Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 7, Mart Vero, le numéro 98, Alex Galipo, le numéro 88, Alex Cromp, et le numéro 31, JF Mallette. Ah bien les gars! La saison est enfin commencée, alors on peut enfin faire un vrai podcast de hockey aujourd'hui. On ne peut pas parler à l'hypothétique. Non, là, on a des stats aujourd'hui à dire. On ne parle pas à hypothétique, non. Ouais, il parlera pas à soi à l'hypothétique. Écoute. Je suis en train de gagner mes bêtes. on y reviendra. Mais messieurs, qu'est-ce que vous buvez ce soir? Là? Je dis ça de même en fonction de... Oh, on aimerait ça avoir une commandite de bière. Là. Boule à bière. Ah, c'est assez varié. Hein? On est tous disparates. On est prêts à commencer avec la Road Milwaukee comme commandite. Là, on est pas regardant de la PAPS de la Road Milwaukee. Je pense qu'on peut peut-être courtiser des microbrasseries québécoises. Je bois une excellente Dieu du ciel présentement, la Païenne. La Païenne. On vous aime, Dieu du ciel. On a deux petites vaches folles aussi tantôt. Ouais, mais ça, on n'en parle pas parce qu'ils nous commanditent pas. Ben, pourquoi on parle de la Païenne? Ah, je sais pas. Là. Moi, je pense qu'il y a un petit penchant, JF. Non. Mais nous autres, on boit de la canadienne, là. Païenne. Side by side. Ouais, c'est pas moi en canette, lui en bouteille. Non, mais c'est parce que, tu sais, en période de crise, on boit de la païenne. Écoute. En période d'austérité. Ah, parle-moi pas d'austérité. Si on va parler des libéraux. Voilà, j'ai mis mon point sur la table. Moi, je bois de la Slimane. Les deux au bout. Elle est bonne en crème. Ouais, bonne Slimane. Les deux aussi. Uniblue. La U. La bonne U. C'est juste toi qui a eu la référence. Le fucké, là. C'est juste toi qui a eu la référence. La rousse. Compte nous donne l'histoire d'Al Capone. Hey, vous pouvez rejoindre la soirée du podcast sur Twitter, Facebook et Google+. Et puis, on est également disponible en podcast sur RZO, lasoireedupodcast.ca et iTunes, Stitcher aussi pour ceux qui sont là-dessus. Connaissez-vous des gens qui utilisent Stitcher? Stitcher, c'est pas un magasin genre de plot de marché aux puces, ça? Stitcher, c'est pas des souliers? Moi, je suis Stitcher. Il y a pas un magasin qui s'appelle Stitcher. Oui. Ah, pour mon PS4. C'est toujours des filles qui s'habillent en baby fat, là. Nice. Echo Girl. Echo Boost. Anyway, on passe à autre chose. Ouais, avant de commencer l'avant-match, des petits trucs, on va commencer par parler du pool de la soirée du podcast. Le pool. Les gens se sont inscrits massivement. On est 43 d'inscrits dans le pool pour la saison, ce qui est très cool. Ça va rendre ça intéressant. Fait qu'on a dit qu'on donnerait les 5 premières positions à chaque épisode. On va également donner nos positions à nous. Donc, voici le décompte. En 5e position, présentement, Éric Saint-Louis. En 4e position, Martin Benjamin. Salut, Marc. En 3e position, Steve Fortier. En 2e, Luc Desormeaux. Et en 1e position, Jacques Germain. Ah, tabarnak, je vais le voir, mon rang. Pour ce qui est de nos rangs respectifs. Ouais, c'est moi le dernier. Nos rangs respectifs. En 9e position, moi-même, JF Cromp. En 10e position, Martin Vero. 11e position, JF Mallette. Après ça, on jump un peu. Alex Galipo en 23e. Pour Alex Cromp en 33e. Et Dave en 35e. Ouais, mais attends un peu. Là, j'ai été le seul à être dans le top 5 du pool. Ah, mais là, j'ai t'es été où, le 3e. Là, je suis en... Non, Caro a été dans le top 5. Mention spéciale à Caro. Qui... Podcast, ouais, mais c'est pas grave. Là, c'est une conjointe. Ouais, mais elle est dans le building là, quand même. She's in the building! Je tiens à rappeler qu'elle était 2e cette semaine puis elle a fait ses choix en fonction du nom des joueurs. Ouais, les plus beaux noms, elle choisit ça. Ça va être. Ça veut dire grand chose. Pour l'instant, ça beau. Beaucoup, il y a juste 5 matchs. Il y a des changements qu'on peut faire. Elle a sûrement pas pris de mécanique. Ouais, on a un échange qui s'en vient au mois de novembre. Tout le monde peut changer un joueur au mois de novembre. Oh! Gardez tous les canettes. Vous en avez 3 pendant l'année. Fait que moi, je suis novembre, janvier. Hey, Alex, j'ai pensé à toi puis j'ai pris Lucic. Je sais, t'aurais pas dû. Hein. Non, ça me dérange pas, c'est pas grave. Chose. Moi, je vais prendre moi, moi, c'est un laboratoire, ça. Je Donc, ouais, il va y avoir des prix attachés à ça. On est encore en train de se penser, Dave et moi, à ce qu'on donne pour le gagnant là, de ce pool-là. Dave, on avait un autre concours aussi, ouais, on dit. Ben oui, on va préparer quelque chose là, bientôt. Donc, on voudrait, ouais, en but de nous aider à acquérir des nouveaux fans, on vous demande de partager les épisodes soit par Twitter ou par Facebook de notre compte officiel de la soirée du podcast. Puis chaque partage va compter comme une participation au concours. C'est ça. Puis dans le fond, on va l'annoncer bientôt. Là. On fait juste checker justement qu'est-ce qu'on va offrir comme prix pour le gagnant du pool, puis comme prix pour le gagnant. Pour le gagnant des partages. Donc, on vous rappelle que... un partage, une participation, puis on compile tout ça, nous autres. Alors, oh, on va faire des calculs super mathématiques. On va calculer chaque jour, là. On va faire une feuille Excel. On a un Vic 20 dans un sol de la bonne anastie s'occuper de ça. On va te le faire à toi, Mart. Ça va être ta job, ça. C'est, je pense, une formule genre égale... dans Excel. Ah, égale... Égale, bon, ben, égale ligne A plus B, rangé 2. On parle de quoi, c'est-tu? On fait Excel, c'est-tu? On parle d'Excel. On parle rien, mon collègue. On parle de hockey, c'est la version professeur. Professeur connaît même pas Excel. C'est un prof d'éduc. Sur ça, on va aller faire l'avant-match. Yeah. Alors, l'avant-match qui est fait non, pour... Non, mais attends un peu, Alex. Au pire, toi, peut-être qu'on pourrait te faire prendre les présences. Ça, c'est plus familier. Tu sais. Ouais, là, t'es dans mes cordes. Ouais. L'avant-match qui est fait pour se préparer et puis boire un peu de bière et parler de hockey. Avant vraiment de parler de hockey, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de TVA Sport qui a fait son entrée dans le réseau... Et de la merde! Des diffuseurs de hockey au Québec. Cool. Alors, qu'avez-vous pensé de la... J'imagine que tout le monde a regardé un peu la première game sur TVA Sport, ou presque. Là. Moi, je l'ai regardé, là, vraiment... J'étais nerveux, j'avais hâte de voir ça, là. J'étais vraiment fébrile, là. J'avais hâte de les voir comme se planter, on dirait. Ben, oui, sérieusement, je m'en attendais. Ça, là, puis, j'étais vraiment curieux de voir le show. La présentation, mais... Le nom, là, la super soirée. Ah, ouais, ben, ben, s'il vous plaît. Non, la game est correcte. Comment que c'est filmé, tout ça, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est sûr que c'est correct même parce que c'est caméra. C'est Sportsnet, ça. C'est Rogers qui est tout ça. Là, fait que c'est le c'est main ça. Feed. Ça, c'est mieux qu'à RDS. RDS, moi, je n'étais plus capable pour ça, sérieusement. Là, ça me gossait à regarder les games d'RDS. Là. Mais overall, le show est correct. C'est moi, c'est la diffusion de la game en tant que telle n'est pas si pire. Félix Seguin fait un bon s'améliorer. Le deuxième match était mieux que le premier, déjà en partage, je trouve. Mais t'as vu qu'il y a déjà eu. Félix Seguin, il avait comme pas de call préparé pour un but. Hein. Ben oui, c'est compte. Parce que même le graphique était compte. Tu le vois dans le coin. Fait qu'il savait déjà que t'as pas de ça. Il a juste fait comme hey. Ça a arrêté. Il était comme surpris. Ouais, c'est ça. Mais le gag, il y avait des places à amélioration. Mais c'était correct. Je veux dire, pour un nouveau, je vais lui donner la chance. Ils ont fait deux matchs. C'est correct. Moi, c'est le show dans le milieu. Ouais, dans le milieu, puis avant. Moi, je les écoute jamais. Les points à mentionner là-dessus. Patrice Brisebois, pourrais-tu se calmer les nerfs un peu? Là? Ah, voilà. Moi, je les écoute Calvaire. Brisebois, c'est pas un gars de TV. Non, on a vu ça quand il a de la misère à aligner 3-4 mots en ligne. Mais il gueulait comme s'il était au Centre Bell pendant un émeute, lui-là. Puis c'était comme en studio, puis il se passait rien du tout. Là. Ouais, mais Brisebois, en tout cas, je vais l'épargner parce qu'il mérite pas. Un qu'on épargnera pas, parce que par exemple, c'est. Le pire, ça a été, je pense. Bergeron qui a fait. Ouais, j'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Qui a fait son coach corner, ben raide, là. Ouais, ça, c'était vraiment dégueulasse. C'est-tu quelqu'un qui était tout seul en face de gros écran, ça? Non, mais il était avec Louis Chou. Non, non, ils font la même formule, là, que. Non, non, mais ils l'ont fait une fois, ça, Mart. Coach's corner. Le deuxième match, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait une fois, ils l'ont pas fait après. Ouais, c'est sûr. D'après moi, ils ont eu des calls, là, où le monde, ils ont eu. Mais moi, j'écoute jamais les intermissions, même RDS. Ouais. Sinon, comme je disais, Félix Séguin, sub, correct, il a un bon delivery, il faudra qu'il trouve sa place quand même, là. Ouais. Il est un peu nerd quand il y a des buts, autant pour le Canadien que pour l'équipe adverse. Il manque d'émotion, on dirait. Mais c'est-tu correct, ça, d'être nerd? Non. Pour un présentateur télé ou tu veux vraiment qu'il soit comme un. Pas à Montréal, on était habitué à Montréal. Même pas, tu sais, à Buffalo, tu l'as vu le commentateur, comment il crie comme un esthétique déchaîné. C'est correct. T'es à Montréal. C'est des commentateurs vraiment signature, tu sais, comme Buffalo. Là, mais quand qu'il est, ouais, mais quand le Canadien score contre Buffalo, il crie pas comme un esthétique. Quand il va mourir, ça va être fini. Non, mais. Non, ça prend une signature, c'est sûr. Ça prend une signature. Puis justement, Félix Séguin, il était pas mauvais, mais il y avait. il était plate. Ouais, mais tu sais, en même temps. C'est un genre de Gino Chouinard. Non, ça, non, mais moi. Mais je pense parce qu'on est tellement habitué à Pierre. Je pense que Gino, il y a plus d'émotions. On est tellement habitué à Pierre. On a de la misère à accepter d'autres choses. Félix Séguin, d'après moi, là. Il avait pas signé. C'est comme Ken. D'après moi, il n'y a pas de sexe. Il est lisse, il est lisse, lisse. Il est flat, genre. D'après moi, mais tu sais, il a pas l'air de. Il a l'air d'une maquette. Il a l'air d'une maquette. Il a l'air d'une maquette. J'aime la comparaison. Il a l'air de porter une paire de bobettes, genre, mais sur sa peau. Il est comme fait en 2D, tu veux dire, genre. Il est flat. C'est comme une poupée en papier que t'habilles, genre, avec du linge. T'aimes-tu une bière flat? Mais tabarnak, c'est ça. On dirait qu'il y a juste comme un jackstrap en dessous de sa peau, genre. Non, t'as raison. Moi, j'ai besoin de roter. Puis Félix me fait pas roter. Bon, il y a Patrick Lalime qui va falloir qu'il apprenne. Patrick Lalime va devoir apprendre c'est quoi la job d'analyste, parce que présentement, il fait juste redire ce qui se passe. Ça fait dur. Puis l'autre entre les bancs, man. Ils ont la même hostie de voix. Les deux, ils ont la même voix. C'est dur de savoir qui parle. Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est vrai, parce que je comprenais rien à un moment donné. Je comprenais pas. J'étais comme, Carlis, il fait de l'analyse, il commente, il fait tout. Ben non, c'est les deux qui parlent, tu sais. Puis l'autre, c'est qui a dit, dans le temps de RDS, t'avais, comment il s'appelait, Lalime. Ça, il y a ça sur YouTube, là. Quand il dit un quintard. Un quintard. Ben, mais gars, ils en ont tout fait des lapsus, puis ils vont s'habituer. Pierre, gars, Pierre en fait aussi. Ben, tu sais, j'aimerais quand même voir les premiers matchs quand Pierre, c'est RDS, Pierre ça va c'est qu'il se faut de nom. On a manqué un gros 30 secondes aussi pendant le début de la 3e. Ça, c'est la mise en onde. Ça, c'est la régie qui travaille là-dessus. Ouais, d'ailleurs, ça m'amène ça sur le dos de l'aiguilleur. C'est la régie. Mais ça m'amène à un autre point, ça, c'est l'anglais de Renaud Lavoie, parce qu'on a manqué 30 secondes parce que Renaud Lavoie faisait une entrevue avec Jeffrey Lopold des Leafs, puis c'était terrible. Terrible son anglais, là. Mais pour demain, Renault, j'aime pas ça, quand il entre les bancs. Ouais, c'est un peu trop. En arrière du banc, puis il essaie de parler au coach. C'est, comme, man, c'est vraiment awkward. Non, Renault, c'est pas un analyste, c'est un journaliste. Ouais, mais c'est ça, y a pas d'affaire, là. C'est... Ils ont eu un drôle de choix de team TVA Sports, je trouve. Ben, pour leur... Ils ont pris des restants. Ouais. Ben non, Renaud Lavoie était bon. Ben non, mais non. Quand TVA analyses... Sport a fait du maraudage, ils ont été chercher ce qu'ils ont payé, pu ramasser. Non, ils ont payé cher. C'est mais des non, mais qui ont tu vois qu'il y a vraiment une disparité dans l'avant-match. Mettons, quand tu regardes Brisebois, pis t'as pas l'autre à côté qui parle, là. Brisebois qui a de la misère à aligner trois mots, pis t'as pas l'autre qui sort des statistiques des années. Pas c'était pas mal le meilleur, là. Ah, mais il est cool, pas l'autre, par exemple. Oui, parce que je le vois souvent, ma job. Ouais. Film des clubs. Non, sur Mario Tremblay. Pas l'autre. Tu dis les deux. Mais ça coûte cher. Tu dis peut-être pas du podcast. Ah, ben ça, ça compte pas. Oui. C'est un rot ou. Non, je me préparais. Non, mais ça, ça coûte cher à RDS, tout ça, parce que tu te rends compte que lui qui est dans le milieu, là, c'est l'ancien. Le gars qui joue à Philadelphie, là, qui est vraiment à poche pour parler. Danny? Danny Gauthier. Danny Gauthier. C'est lui qui est RDS. C'est lui qui est au pupitre avec Alain Crête entre les périodes. Ben, moi, je l'aime, Danny. Denis Gauthier. Il y a des beaux cheveux. Excuse-moi. Mais je comprends les journalistes qui disent, Chris, on se fait voler nos jobs par des anciens joueurs. Si tu fais voler ta job par Denis Gauthier, ça fait chier en tabarnak. Ouais, mais step up dans ce temps-là. Ouais, mais les si journalistes. Si tu fais piquer ta job par Denis Gauthier, c'est parce que ta job, t'en fais pas tant ça à côté. Je suis d'accord avec Alex. Que je me rends compte que j'haïs pas tant que ça, François, le journaliste de la vraie François Gagnon. Le gars avec les dents jaunes. Tu l'haïs pas, lui, non? Non, comparé de Gauthier. Moi, je l'aime pas. Ah, Gauthier, il est dumb. Alex, Alex, il est comme en guerre contre François Gagnon sur Twitter. Pas en guerre, juste des fois, il fait des commentaires épais. À chaque game, tu retweets François Gagnon en disant « Come on, là! » C'est tellement négatif, ça, là. C'est parce que Gagnon, c'est un fan d'Ottawa. Non, mais il est négatif tout le temps, man. C'est comme première game. On n'aurait pas dû échanger Georges. On n'aurait pas dû laisser partir Georges. La game est-tu commencée? Non, on est dans l'avant-match. Il n'y a rien contre Denis Gauthier, mais c'est pas un gars à mettre genre d'une présentation en arrière d'un pupitre. Il fait l'antichambre et tout, qu'ils l'ont mis là. À l'antichambre, c'est correct, mais. Sinon, tu vois de quoi monter. Derrière le pupitre de même, entre la 1 et la 2. Toi, c'est le pupitre, le problème. Le pupitre est. Si t'es assis sur une chaise bleue. Si il est assis sur une chaise bleue, c'est correct, mais si un pupitre, là, non. Pas derrière le pupitre. Hein. Fait que ça fait le tour pour TVA Sport. Sinon, côté infographie visuelle, c'est beau. C'est bien léché. Le nom est taché. Le nom me fait. Ouais, mais tu sais, en même temps. Super soirée. En même temps, c'est très très populiste TVA style. On s'adresse à tout le monde. Puis ils mettent en direct. En bas dans le coin à droite, ils mettent tout le temps en direct. TVA Sport en direct. Ouais, une affaire que j'ai vraiment pas aimé, c'est l'autopromotion à plus finir. Ah, et le premier but dans l'histoire de TVA Sport. On sait qu'on écoute TVA Sport, Asti. On n'a pas eu le choix de prendre le poste. Asti qui n'ont pas arrêté toute la soirée. Dégueulasse, l'application et tout. toi, l'application est bonne. Mais ça, c'était le gros gag sur Twitter aussi dans ce game-là. Oh, le premier arrêt de jeu de l'histoire de TVA Sport. Oh, le premier. Premier hors-jeu, premier icing, premier arrêt. Il y avait tout. Je donne un défi de main. À chaque fois qu'ils disent TVA Sport, prenez un shooter. On finira pas la game. C'est bon, ça. On finira pas la première période. Mais c'est du coup, on va t'attendre pour le faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sur ça, on va commencer la première période. Et le soundboard qui répond bien cette semaine, justement. Ouais, fallait juste le rebooter un petit peu. Il donnait un peu d'amour. À part, c'est même ça marche. Un reboot, c'est fait. Un reboot, ça fonctionne. Donc, avant d'embarquer vraiment dans le début de la saison, il s'est passé quelques trucs avant que la saison commence. Il y a eu un point de presse de Bergevin. Et puis, avant de commencer à parler du point de presse, Dave, j'aimerais que tu mettes. Je t'ai mis une image dans un dossier, mais ça, c'est à TV. J'aimerais qu'on regarde la face de Bergevin pendant son point de presse. Le gars, il a de l'air d'être en fucking dépression épouvantable. Je sais pas pourquoi. Et ça s'en vient. Ça sera pas long, ça sera pas long. Oui, on va l'avoir, Bon, en tout cas. C'est sûr qu'elle est en dépression. Après parce avoir que bâché TVA Sport, on va dire, tu sais, on est comme pas plus. Mais on n'est pas payé pour. Ouais, de raison. Ah. Regardez-le à la face. Ouais, parce que c'est le journaliste qui vient de poser une question épaisse. Il regarde à Alice, quelqu'un. Il était sa brosse. Non, non, mais ça, c'est un journaliste qui vient de poser une question tellement conne. Avec une barbe pas faite. Oh, mais regarde, OK, justement, tu parles de journaliste qui pose des questions connes. On va faire tout de suite le segment tweet de journaliste. Il y a Jérémy Filosa qui a chialé sur la façon dont Bergevin répondait aux questions. Il a tweeté « Pas entendu une seule question stupide, pourtant trois répliques condescendantes. D'ailleurs, elles venaient tous de bons journalistes d'expérience. » Ouais, mais parce qu'ils posent tout le temps les mêmes astuces de questions. Même. Tu l'écoutes à la TV, même moi, je serais tanné d'entendre la même astuce d'affaires. Pour de vrai, c'est fatigant. On sait déjà toute la réponse qu'ils vont nous donner. Jérémy Filosa, pourquoi c'est toi qui fais Arturo Gatti dans son film? Really? Ouais, je m'appelle c'est son ami d'enfance. C'est son chum, ça. Ah ouais? C'est son ami, ils ont grandi ensemble. Ah, ça répond donc à des questions. Oui. Voilà. Ben, c'est ça. Tu poses ces questions-là. Ben, oui, non, oui, c'est, ben, hey, c'est du sous-texte, ça, Dave. Je l'ai vu. Puis Filosa qui a dit en plus en entrevue, il a dit, ben, tu sais, il dit, regarde-moi à shape, là, tu sais, je ressemble pareil, là. Puis, tu sais, ils m'ont dit, hey, tu ressembles pas mal. Je fais, ouais, je m'entraîne pas mal, là, puis tout ça. Puis, c'est comme valorisé, full man, là. Ah, un petit entraîneuse comme, ouais, dans le bloc. Là, pas mal. J'avais... là. Puis, tu sais, j'ai comme pas mal la même shape, finalement. Ça colle, c'est de la boxe. Un petit entraîneuse dans le bloc, là. Ah, une petite fille dans le bloc, non, entraîneuse. Bon, ben, dans les choses qui sont passées, ça, par rapport. Excuse de mettre l'image de Bergevin de même, on dirait qu'on pourrait faire un front page Journal de Montréal, genre Bergevin est fatigué. Ouais, à la une, là, comme à l'antichambre. Là. Oh, ouais, c'est ça. Là. Bergevin ne file pas. Ouais, c'est ça. Il va pas bien. Bergevin au bord du gouffre. Tu sais, là, puis juste écrit en grosse la jaune, va pas bien. Là, tu vas de la copie. Pow! Fait que dans les choses qui sont passées avant le début de la saison par rapport justement à l'entrevue de Bergevin, il y a eu. Ben, quelque chose qu'on s'est complètement trompé. Peter Boudin a été échangé. Ben oui, hein, ça, hey, c'est. Ouais. Avant ça, d'en ça, parler. Je pense que ça nous a tous surpris un peu. Ouais, avant d'en parler. Il y avait un move à faire, puis c'était un. Là, c'était je pensais Gamble pas qu'il était pour l'affaire. Ben, c'était libéré de l'espace un peu. Ça ouais, mais sérieusement, tu repenses à ça. OK, Montréal, ils ont fait goaler, ils ont donné leur vote de confiance à Tokarski. J'avoue, puis l'année passée. Okay. Qu'est-ce qu'on. Ouais, sérieusement, Boudin, qu'est-ce qu'il pense? Tu sais, lui, il se dit. On n'a pas pris ça en considération. Ouais, mais c'était là le terrain, on n'a pas pris ça en considération que peut-être qu'il aurait demandé un échange, que l'année passée, ça l'a dérangé. Ouais, mais on n'a pas. Moi, cette je l'ai dit, mais personne m'écoutait. Mais de moi, ça ne lui donne pas un vote de confiance mais... de ne pas le mettre en playoff quand c'est lui qui est le backup. Puis il a demandé tout de suite un échange, puis il n'a pas fait. Il a bien fait, rien. Ben, il a été bien un support. Mais t'as pas compris, Jeff, que depuis le temps qu'on fait le podcast, qu'on t'écoute pas. Ouais, mais les fans, ils m'écoutent eux autres. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a mis son micro fucking fort aujourd'hui. C'est ça. Il peut intervenir. Pourtant, je suis celui qui a le micro moins fort. M'a cassé. Ouais, donc Bouddha a échangé aux Jets de Winnipeg avec Patrick Orlen. Ouais, non seulement au balatage, il s'est blessé aussi de suite. Suite au balatage, dans la Ligue américaine, blessé au premier match. Pendant qu'on est là-dedans, là, pendant qu'on parle de Boudin, puis là, je lance une question comme ça, parce que là, c'est de la famille, là, de l'animation, c'est de la famille. Ah, OK. Là, je parle de ça, Boudin, tu sais, on s'est planté, oui. Est-ce que ça va faire comme toutes les autres fois qu'on donne un adjoint à Price qui a du talent? Non. Est-ce que Price va chier dans ses culottes? Attends une minute. Est-ce que Price va chier dans ses culottes? C'est très bien. Parce que Tokarski a gagné par tout ce qu'il allait. Ben, Price, on aussi. A donné... Price aussi. Ouais. Mais Price n'a jamais gagné la coupe. Ça fait une coupe d'année qu'il est. Attends, là, je me fais l'avocat du diable. Alak a jamais gagné la coupe. Attends. Qui? Bon, vas-y, tu vas nous faire un autre Alak. Va au bout de ta pensée. Quand Alak était là, il chiait dans ses culottes. Il a fait de la merde. Ouais, il était plus jeune. Là, l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je suis d'accord, là, ce qu'on a avec Tokarski en deuxième goaler. Mais je me fais l'avocat du diable, je lance la question parce qu'on est dans une ligne ouverte. Tokarski. Donc, hey, t'as fermé ben ta gueule. C'est bien long aussi. Ferme-y son micro, ouais, c'est long ton point, man. Laisse faire ton point, ça va être moins long. Je ne sais même plus qu'est-ce que je disais parce que c'est tout le temps mon tabarnak. Fait que là, je faisais l'avocat du diable. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Tu joues ça pour les devils. La réponse, c'est non. La réponse est seule, le temps nous le dira. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Il demandait si Pride va chercher ses pilotes. Qu'est-ce qu'il disait? Toi, on est pas gentil. Toi, ce que t'es en train de demander, c'est si ça va perturber la job de Pride de savoir que Tokarski est là et qu'il pousse en avant. Ouais, c'est ça. Puis en plus, que l'année passée, on a donné un vote de confiance à Tokarski en le faisant jouer à la place de Boudaï. Tandis que Boudaï, si tu. Oui, Tokarski est meilleur goaler que Boudaï. Mais est-ce que Boudaï, s'il avait resté là, est-ce que tu crisses la paix à Price en disant c'est ton numéro 1, t'as même pas à te soucier ben, de ton ça. Poste. Ben, je pense pas qu'il y a une course c'est ça, là. Tokarski, là, il sait que c'est deuxième. Je suis pas tant sûr. Parce que si Price perd 3, 4, 5, lamentablement, Tokarski va arriver. Puis s'il gosse à la tête. Regarde, aujourd'hui, on va juste donner un exemple. Là, présentement, je pense que le problème, Price a pas une bonne moyenne d'efficacité. Ouais, puis d'ailleurs, il a pas une bonne moyenne d'efficacité. Mais Price, c'est le début de la saison. Mais pour l'instant, si on regarde, il y a eu une game que Price a eu vraiment de la marde, c'était contre le Lightning. Puis ils ont mis Tokarski. C'est pour sauver son goal. Puis la marde a continué. Ouais, ouais. Fait que le problème présentement est en défensive, man. C'est du cafouillage. Ouais, c'était Terrier qui protégeait son numéro 1. Ouais, c'est normal. Fais-toi pas rentrer. L'équipe n'est pas là. Gars. On met ça. Ça donne absolument rien. Tokarski, il sait que c'est le deuxième. Puis il est juste là pour se prouver peut-être que la seule chance qu'il a, c'est se prouver pour une autre encore. Équipe. Je pense vraiment pas qu'on est rendu là. Au-delà de tout ça, Tokarski n'a absolument rien prouvé encore. Absolument pas. C'est pas le même Price qu'il avait le 3 ans. C'est exactement. C'est son. Ah non, Price, ça, on le sait pas encore. Ouais, non, Price, ça va jouer l'année passée, il l'a prouvé. Puis là, non, on va voir. Moi, je pense que Price, ça, pour vrai, s'est coulé dans le béton. Il a gagné la médaille d'or. Tokarski. Ben, pas avec le Canadien, tabarnak. Mais sur ça, je propose qu'on écoute les commentaires, justement, de les commentaires de Bergevin par rapport à l'échange de Boudaï. Premièrement, la décision, on a pris une décision l'année passée dans les séries après que Carey s'est blessé, d'aller avec un jeune en Dustin qui a. On a regardé de tout près sa carrière. Il a gagné à tous les niveaux. Junior, Ligue américaine, les championnats juniors du monde. Puis, il a fait du travail excellent pour nous dans les séries. Un très bon camp d'entraînement. Puis, la masse salariale, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Et aussi l'âge entre Boots et Ticker. Alors, on était là avec ça, puis on est confiant que c'est la décision à prendre, la bonne décision à prendre. Ticker est au courant qu'il devient le backup à Carey Price. Alors, puis éventuellement, lui, il veut devenir numéro un, c'est certain. Puis c'est un bon problème à avoir. On voit ce qui est arrivé à Vancouver. On a bougé Schneider pour un choix de première ronde. Alors, le mieux pour nous, c'est que Dustin devient tellement un bon backup qu'à sa jeune âge, qu'il peut devenir éventuellement numéro un. Ça donne une assiette à l'organisation. Parce qu'il va pouvoir le trader contre un premier choix. Il a dit que ça donnait une assiette. Il a dit ça donnait une assiette à l'organisation. Ticker and Boots. Ça veut dire qu'ils vont échanger Tokarski contre une assiette. Ça, quand il devient assez bon pour le plateau d'argent. Alex, je te parle pas de talent entre les deux. Là. Je te parle de mental, de Price. Sérieusement, Price, en ce moment, où ce qui est dans sa carrière, avec la saison qu'il a eue l'année passée, il est dans un autre niveau. Puis même les il va même continuer à monter en principe. Un gardien, là, plus il s'approche de la trentaine, plus il est en ascension. Non, Price connaît sa position, Tokarski connaît sa position, puis c'est bénéfique pour Tokarski d'être là. Tu parles de gardien de but? Parce que Tokarski, il va apprendre de Price là-dedans, il va se développer, puis on va voir en même temps. Puis ça, ils l'ont dit beaucoup, quel genre de coéquipier aussi qui est comme deuxième gardien. Ouais, parce qu'il y a de la misère des fois. Price, il a enfin connu toutes les bars de Montréal. Maintenant, il peut se concentrer sur le hockey. Price, là, avec 12 cigarettes dans la gueule. Il est marié à Candiac avec sa femme dans un petit bar. Il est marié avec une belle femme. Il n'y a plus besoin d'avoir des ticus partout. Il y en a un, j'ai. Fait que Boudaï nous a ramené Eric Tangradi, qui est passé à Melbourne. Joueur de hockey. Ah ouais, il est content de nous voir. Il est tout le temps content. Parce que là, JF voulait dire quelque chose. Non, j'avais un point, mais on s'en fout, il est au mineur. J'ai dit qu'on a acquis Eric Tangradi. Ça, c'est de la merde. On a échangé comme deux. Il a bloqué 4 tirs. Next. C'est toi qui l'a posté. Dans la conférence. Ouais, c'est la seule affaire hot qu'il a faite. Dans la conférence de presse, une autre question qui a été posée à Bergevin par rapport aux échanges qu'il y a eu avec Georges et Gianta. Ils ont parlé du manque de leadership dans la chambre. Voici ce que Bergevin a répondu. Non, écoute, je ne suis pas pour commencer. Ce n'est pas un boy camp qu'on run ici. C'est une équipe de hockey. Alors. Ça fait partie de la business. Écoute, c'est Moi, j'ai passé par là. C'est sûr que tu perds des coéquipiers, mais on va de l'avant, on n'a pas le choix. C'est qui est condescendant? Hey, c'est pas un Chip and Dale. Ah ouais, c'est pas un Chip and Dale, site, là. Et ça, c'est ça là-dessus que Philosa a chié. Sérieusement, non, mais les autres, c'était 12 minutes d'entrevue, sa conférence, puis c'est tout de même tout le long. C'est parce que peut-être qu'il a fait un petit sourire, puis elle la regarde, puis fait comme, OK, gars. C'est parce que moi, avant, on se plaignait d'être avec un DG qui était comme, qui appelait tout le monde comme monsieur, puis monsieur un tel, puis on va signer monsieur un tel. Puis là, on est un gars qui dit comme les vrais hosties d'affaires. Puis là, Montréal, le monde, on va chialer sur le même. Là, faut réaliser que Montréal, là, puis ça part de l'organisation, c'est un team différent. C'est tout. Puis dernier point par rapport à la conférence de Bergevin, ils ont parlé de Francis Bouillon, qu'on n'a pas signé finalement. Ouais. Bouillon qui est parti jouer en Suisse, si je ne me trompe pas. Correctement, ouais. Bouillon. Ouais, bonne décision. Ben, oui. Bouillon avait eu d'autres offres. Bonne décision. Bouillon avait juste des offres à deux volets partout, je pense. Là, il va jouer en Suisse. Le monde parle avec leur cœur. Bonne décision selon ce qu'on a fait comme move. Cet été aussi. On aurait-tu Garder lui puis j'ai l'extrait audio de Bergevin. Ouais, c'est fini, de ouais, oui, j'aurais pris Bouillon. J'aurais on en parlait tantôt. Gilbert, ouais. Que, c'est, oui. J'ai l'extrait par rapport à Bouillon. Écoutez le français impeccable de Bergevin, cet extrait-là. Ben, c'est pas été une. C'était une bonne discussion. Autrement dit, Frankie, la façon qu'il s'est comporté comme un pro, c'est certain. Mais pour moi, écoute, même hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. Cette nuit, la façon pourquoi je peux progresser, Francis. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est important qu'on le fasse, Michel et moi. Michel, il connaît Francis depuis qu'il joue à Green Bay. Alors, ça vient de longtemps en arrière, avec une relation personnelle aussi. Il était chaud quand il y a eu un rêve. C'était difficile, il était mais la décision a été prise. Puis souvent, comme j'ai toujours dit, on prend des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Ce matin, c'était une décision difficile à prendre, mais la bonne pour l'organisation. C'est quand ils arrivent. Le pire, c'est que plus loin, c'est quand il revient d'un rave. Mais le pire, c'est que plus loin, dans la conférence de presse, il appelle. Ah, oh, c'est sûr que François Bouillon, on aurait aimé ça le garder. Ouais, parce que souvent, il appelle Frankie. Ouais. Frankie, il est comme Frankie. Fait que là, je pense qu'il sait plus, hostie, comment il veut l'appeler. Tu sais, je veux pas, ça fait tellement longtemps qu'il a passé tellement de temps aux States qu'il a perdu un peu de son français. Mais non, puis il négocie en anglais. C'est ça. Moi, tout des fois, je suis même. Là, même pendant le podcast, des fois, je sors des mots en anglais. Même pendant le podcast. Là. Parce que, tu sais, I can't do it. Assoir, Alex. Assoir. Mais pas mes joueurs. T'as pas besoin de rire de moi. On rit tout à toi, anyway. Fait que ça fait le tour de ce qui était avant le début de la saison, dans le fond. It's mutual. Seule affaire que je pourrais dire, c'est que c'est quand que je suis fait le grand club. Ouais, puis il a scoré son premier but. Ouais, on en parlera tantôt. Ouais, Jeff l'a collé sur Twitter en plus. Ouais, bon call. Jeff qui, ce soir d'ailleurs, porte un chandail des Expos. This is not fucking baseball! Je l'avais pas mis encore cette année. Je suis bien content qu'il ait mis son chandail juste pour ça. Merci. Bon, alors parlons. Respect pour les Expos. Un beau chandail. Il est vintage. Non, il est jamais le même. Oh, ouais, êtes-vous pour le retour des Expos à Montréal? Ah, ouais, Chris, certain, man. Ça, on veut de la balle, man. On veut des hot dogs puis manger de la crème glacée dans des casses de. On veut d'un sport que personne aime. Go! J'aime c'est cool, le baseball. Ah, Dave qui dit « On aime ça manger des balles, hein, des hot dogs. » <tu sais. rire> Fait qu'on va commencer par... avant de passer match par match, on va faire ce qu'on fait depuis l'année passée. Nos plus et nos points des premiers matchs. Nos plus et nos points. Nos plus et nos points. Non, nos plus et nos moins des quoi 5 premiers matchs qu'on a à date. T'as-tu eu un rave ou... Rien. J'ai rêvé à Bouillon. J'ai un rave qui fait que je parle à Franks qui que je m'en ai échangé. Tabarnak, un rave, là. Tu sais, ça vient, là. Un rave. Je me touchais, là, puis j'étais tout collé. Plus, moins. Je me mettais du VIX. Là, je sais pas ce que j'avais. J'étais comme tout excité. On va faire le tour de la table de même. Faisons un petit tic. Hey, là, tu voulais faire les plus, les moins. Les plus et les moins. Tu voulais faire les plus, les moins, puis tu voulais qu'on y aille joueur, puis équipe. Ben là, cette année, on peut faire soit joueur, soit plus général, mettons, la défensive, la direction. Deux, on peut faire les deux. Fait que, si tu veux, c'est bar open des c'est plus et des moins. Malade, ça! On va commencer avec Alexandre Combe, ici, à ma droite. Ils vont y laisser la priorité. OK, bon, plus, je vais faire plaisir à GF devant moi. Plekanec, mon plus de cette année, c'est sûr. Si je l'avais vu venir. Le Canac avec le A sur le chandail, il est bien content. Il joue comme un malade. C'est un leader. C'est un leader. Grâce à Malo Truck. Il joue dessus le C, ce gars-là. Il joue comme un leader. Bref. Voilà mon sens. Il se magasine. On fait-tu un tour les plus, puis on fait un tour les moins après? Non, on devrait faire nos plus moins, je pense, par personne. Ah, puis mon moins. Carry Price. Non, c'est pas vrai. Juste pour GF. Moins Carry Price. Mon moins, là. Si je suis plus capable de Travis Moen. Il a joué une game hier. Ouais, mais il a joué deux games. Je l'ai pas vu après. Il a joué hier, il a eu un shot dans le chest du goaler. Asti qui est poche, man. Pourquoi il est encore là? Faites jouer jeune. Parce qu'on peut pas l'échanger quand même. Non, mais faites jouer jeune. Faites jouer jeune. C'est lui ou Weiss. Il disait qu'il le faisait jouer pour le mettre en vitrine, mais Chris, t'as rien. Mais tout le monde le connaît, Moen. Même si c'est un tas de merde en vitrine, il sera pas plus pris qu'à l'air. C'est écrit sur ma toilette, Moen, en plus. Puis même, Asti se met comme une boucle autour du tas de merde. Tu le vends pas plus. Même si l'enra dans du foil, là. Non. Même si c'est un arrangement paysager. On va avec David. Dave, vas-y donc. Moi, je vais faire des plus individuels, puis groupe. Ça y est. Pas le butin du cabaret. Tu l'as marqué sur Facebook, moi, je le fais. Là, c'est un le monde ne le savent pas. Moins, fait que je donne à Plekanec. Moi, je le fais. Non, mais moi, non, mon plus, j'irais avec Plekanec individuellement. Mon plus, moi aussi, ça serait Plekanec. Puis je donnerais un plus carrément à la ligne de Plekanec ou le duo avec Galchenyuk. Je trouve que ça fait des... Ça des flamèches. Ça fait boule de neige. Hey, c'est un effet boule de neige, Mart. Ça, c'est vrai. C'est un changement de garde. Ouais. Puis mon moins, je vais le donner individuellement. Je vais le donner à Gilbert parce que c'est qui est décevant. Mais sinon, là... Pourtant, t'es celui qui l'a vanté au dernier podcast. Non, je l'ai pas vanté. T'as dit, oh, il est pas si pire que ça. Non, j'ai relaté des faits. Des faits de qui? Ben, des faits. C'est stats ou c'est... Ouais, des stats. J'ai pas dit qu'il était pas si pire. J'ai dit, ça a l'air qu'il est pas si pire. Des faits quelques jours pour les Panthers. C'est là qu'on voit que les stats... C'est là qu'on voit que les stats ont leurs limites. Alors, donc, ben, j'ai pas checké son Fenwick. Là, faut que tu prennes ça en considération. Mais je vais donner mon moins collectif. Je vais le donner à Sty, à Bourque et à Heller. Man. Ils me font chier royalement, mon gars. Je l'avais plus loin tantôt, mais Lars Eller et René Bourque ont le pire différentiel de la ligue présentement avec moins 6. Ils sont moins 6. Ils sont dégueulasses. Pas de deuxième effort. Pas. Ah, man. Ils me font chier. Man. Juste une stat, la troisième, quatrième ligne sont moins 24. Au ouais, puis. Aucun point. Man. Tu parlais de Tom pis Gilbert aussi. C'est dommage parce que ces catchs, ils se retrouvaient plus souvent qu'autrement sur ce trio-là. Puis Chris, ça marche pas, là. Gilbert est quand même. Mais il joue avec une... Ils ont créé des flamèches. Pour là, ils ont failli scorer une couple de fois. Ah, man. Mais c'est juste, ça paye pas, tu sais. Des failli scorer, tu vois pas sur la feuille de pointage. Pas grave, je dis à un moment donné, ça va débloquer. Parlant de Tom Gilbert, il est quand même meneur de la ligue présentement avec 10 revirements contre. Dégueulasse. C'est tellement chiant. Merveilleux, man. Martin, Mark. Ça serait ça, moi. Mon moins, c'est Tom. Tom Gilbert. Tom Gilbert, lui, ça n'a pas de crise d'allure. Asti, je suis pas capable de le voir. Ce gars-là, sa patinoire. La seule affaire que j'aime de Gilbert, je pense, c'est sa coupe de cheveux. Mais en plus de ça, c'est que. Belle coiffe. Ah, je vais pas manquer ça, je vais en caler cette année. Sérieusement, là, il patine pas vite, man. Il est poche toutes les aspects. Il met sur le deuxième powerplay, ça me fait chier. Ah, c'est l'enfer. Je comprends pas. Ok, après ça, mon plus. Personne. J'ai Plekanec. Ouais, mais je pense que. Comment tu peux pas dire non, si je vais le donner avec la game d'hier, je le donne au check à Emeline, le check qu'il a fait sur Lucic. Il a parti à la game à une game. Puis Emeline est supposé se faire slicer, man, la gorge par Piga, finalement. C'est lui qui a montré les crocs, là. Asti, il a mis les cartes. Ouais. Ça a été le tournant du match. Lucic, on va revenir tantôt quand on va parler des games. Mais je le donne à Emeline, puis en plus de ça, Emeline a 4 passe, qui est le deuxième meilleur pointeur du Canadien en ce moment, si je me trompe pas. Emeline a gagné. Je sais pas, j'ai pas les stats. J'ai scrollé ça un petit peu plus tôt, là. Puis. Checké ça, lui, avant ça. Ouais. Puis Emeline, ils l'ont remis de son bobard cette année. Ok. Fait que, son bobard. C'est beau, Emeline. Ils l'ont remis de son bobard. T'as dit son bobard ou son bon? Non, j'ai dit babard. Babard, l'éléphant. Je parlais de l'éléphant, là. Jeff, ton plus et ton moins. 4 passes en 3 matchs, quand même. Ben, c'est sûr que c'est facile de dire Plekanec. Fais ton meilleur coup de pouce. Ça fait mal, hein. C'est ton orgueil, là. En passant juste ton information. Plekanec en 5 games, 7 points égal à Crosby. Ben, première étoile de la ligue. Oui, ouais, c'est intéressant à vous dire. Plekanec, c'est comme le Brian Savage 2014. C'est un gars qui travaille très bien au mois d'octobre, il fait des points. Ouais, absolument, on va le prendre. Je suis prêt à faire un bet là. Plekanec fait pas plus que 50 points cette année. Je vous le dis tout de suite. C'est un joueur de 50 points d'habitude. Mais il n'y aura pas de surprise. Moi, je vais le prendre, cette bet-là. Oh! Ouais. Hein? Parce qu'il y a du monde sur Twitter qui pense que Plekanec c'est un gars de 70 points. Non, non, non, il va jamais oublier ça. C'est 60 points. C'est un gars de 55 points. C'est un gars de 50, entre 50 et 60 points, moi je pense. C'est ça. Puis là, tu vois, il y a ouais, mais attends un peu. Fait que s'il fait 51, la différence, je perds. La différence cette année, je pense, avec Plekanec, puis c'est un peu le point qu'Alex a mis tantôt, c'est que Présentement, il y a un gars qui fait la job que Plekanec faisait, c'est Malhotra. Puis je pense que Plekanec, ça l'ouvre toute l'offense. Il y a un rôle offensif beaucoup plus important cette année. Yep. Puis elle est là la différence. L'année passée, il jouait tout contre les meilleurs trios. Il jouait tout contre les meilleurs trios, puis il jouait un rôle beaucoup plus défensif. Souvent, Malhotra prend juste la mise au jeu, retourne au banc. Ouais, mais check bien Plekanec après Aden, c'est en défaite. C'est la game qui s'en vient. Plekanec, son problème, ça n'a jamais pendant la série. Ça a toujours été comme ça. Son problème, c'est pendant la série, pas pendant la série. Plekanec l'a déjà dit, pendant la série, il met sa jupe. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as dit pendant la saison, right? Il joue comme une fille. Like c'est combien tu bêtes, là? Non, mais on va-tu le prendre, là? Oh, mais qui prend le bet, ouais, c'est ça? Là, moi, je le prends. Mais c'est combien le bet? Mais c'est combien? Tu as un 5$ symbolique? Dans le fond, je vais prendre le 20 qu'Alex va te donner dans la saison, tu me le donneras. OK, mais attends. Tabarnak! OK. T'as passé vite? Au moins. Non, mais attends, il y a un bet en suspens, alors on veut savoir si le bet se prend. Le bet. Calisse. Clairons le bet. 20$ que Plekanec fait pas plus que 50 points. S'il fait 50 points, je perds. Fait que 50 et plus, moins, je fais de l'argent? Ouais. Je le prends. Alors, deuxième bet en deux games de mon... Toi, tu bêtes n'importe quoi, man. Je suis tenté, moi, de le prendre. Avec qui, man? Avec qui? Mais une chose qui est sûre, c'est que Plekanec, s'il performe comme ça, c'est sûr que notre assiette va augmenter. Fait que ça va être facile à échanger. Ils changeront pas, Plekanec. Et puis ton moins. Notre assiette va augmenter, puis on va pouvoir faire des raves. On n'encourage pas vraiment le jeu ici, là, mais il y a des fois que Chris, on n'a pas le temps. Mon moins, j'irais que le trio de Lars Eller, c'est trop facile à dire parce qu'ils me font peur sur la glace. Ils sont inutiles. Comme Dave disait, là, c'est, écoute, inutiles. Je suis quand ils sont sur la glace, c'est l'enfer. C'est un trio de rejet. Ils font rien. C'est malheureux parce que si Sekatch joue toute la saison avec eux autres, je pense que ça l'aidera pas pantoute. Bon niveau, on n'est pas en place. Moi, je suis pas prêt à quitter sur ce trio-là. À je trouve que je joue des belles affaires souvent. Wow. C'est quand il y a un bon forecheck, hier, man, il était super bon, man. Il pète dans le sac. C'est eux autres, c'est le trio. La première présence du Canadien soutenue dans la zone des Blues, c'est eux autres. Je ramène un point, Alex. Ah, moins 6. OK, c'est bon. C'est pas grave, je m'en fous. Puis ses catchs, là, il est moins 1. Il y a 5 matchs. À cause d'eux autres, à cause d'Ali. Ouais, c'est ça. Il est juste moins un, puis il est avec eux autres. Hey, hier, la première présence. Je sais que c'est juste 5 matchs, mais présentement, ce que je vois d'eux autres, j'aime pas ça. Je peux pas parler pour qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochains matchs. Ils sont pas passés. Je parle présentement, ils me font chier. Bah, à date, c'est eux autres, je trouve qu'ils peuvent pas. T'es mettu sur la glace en 3e quand c'est 1-1, puis il reste 5 minutes. Ben, j'ai pas joué, là, parce que je peux pas jouer à 3 trios. Ben, moi, je couperais mon banc, je mettrais le trio à Malhotra. Le premier, non, tu peux pas. C'est sûr. Tu vas mettre des joueurs qui peuvent scorer, puis c'est sûr que tu mettras pas. Il y a combien de buts la ligne? Cross Weeze, puis Malhotra. Parce qu'il te coûte cher, man. C'est pas grave, c'est les gars qui vont donner la chance de scorer. Ouais, mais ils vont donner la chance à l'autre équipe aussi, man. Mais oui, Chris, ils ont moins 6. Ça, c'est la défense, man. C'est pas juste. C'est pas juste le trio, là. Il y a deux autres joueurs et tout sur la glace avec eux autres, là. La défense, les buts qui scorent. Les deux autres joueurs sont là aussi avec les autres trios. Ouais, ouais, mais ta défense que tous, ben, c'est parce que Montréal, ils conseillent. Fait que s'ils jouent avec Weaver, puis Tenordi, puis les trois ensemble, c'est ça, là, Chris, ça m'a amené. C'est sûr que mais là, Gilbert, non, les plus, les moins, c'est une stat. Il y a deux défenseurs sur la glace en passant. Les plus, les moins, c'est une stat qui est comme. Ouais. Ovechkin, c'était quoi, moins 50 l'année passée? Semi-bidon. Ben, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Mais c'est la preuve que c'est un joueur individualiste. Ouais, mais c'est pas tout seul. Il gagnait pas non plus, hein. Ouais, mais il est pas tout seul. Il était pas tout seul. C'est un goaler de la marde. Moi, je trouve gars, ça dit gros. Là. C'est un goaler puis un D. Ouais, mais attends, là. Non, je pense que c'est une stat qui peut quand même pas être prêt à légère, là. Ouais, je sais pas. Faisons avec tes plus, tes moins, Alex. Ben, le plus, c'est facile, c'est plaqué. Puis, pour toutes les raisons qui ont été dites. Mon moins, il y a Mike, le duo Mike Weaver, Gilbert. Tout dans le fond. Il y a Tenordi qui me gosse un peu, tout, mais tu sais, il est jeune. Ah, mais il laisse la chance. Ça, c'est le dire. Je le trouve vraiment pas. C'est ça, je viens de dire, Mike. Je laisse la chance si il est jeune. Mais hier, tu sais, des fois, je vois que c'est long à prendre la décision. Mais Weaver, Tenordi, là. Non, Weaver, excuse, puis Gilbert, là. Vraiment, là, les turnovers, ça me fait tellement chier, man. C'est dégueulasse, man. C'est ce que Mark vient de dire. Mark a vomi. Presque camouflé. Hey, j'ai eu peur. Mark a vomi dans le coin de la pièce. Mark a raté une grotte. Il a vanté. Il a pas chié dans le coin. Aussi. Il a vomi dans le milieu de la glace. Bon, moi, j'ai donné mon. Pour, ça, c'était en hommage aux personnes du Népal. Ça m'a dit qu'on a dit qu'on en parlait pas, Mark. Qui est pas capable ça? De s'entendre. C'est toi et moi. Non, mais là-bas, c'est. En tout cas, on parlait pas, on parlait pas des beaux là, de Manitoba puis d'Himalaya. Hey, les beaux, tout ce là, qu'ils disent en A, on n'a pas en parler ici. Là. On se lave pas. Il faut on parle pas des A, on parle pas des assistants, on parle de rien ici. Ah, ben il est correct, il a dit Népal. Népal. Ouais, mais c'est Himalaya. Ouais. Népal. M'a donné mon plus à Plekanec, moi aussi. Là, pour, ouais. Même Paré avec Markov, qui a très bien joué, je trouve, depuis le début de la saison. Puis je vais donner un moins général à la défensive. J'ai jamais vu autant de revirements en sortie de zone que cette année à date. Là. C'est terrible. Le seul défenseur à date, je trouve justement, qui fait un job défensif de qualité puis qui est offensif, c'est Markov. Markov, c'est le seul qui fait pas de turnover puis qui est excellent depuis le début. Il est à la bonne place. C'est le seul. Même Piqué, là, cette année. Souban a fait des revirements dégueulasses. Excuse-moi, là, il est... Il est tout croche. Faut pas oublier qu'il joue tout avec des nouvelles paires. C'est une nouvelle équipe quand même. Il est dégueulasse. J'aurais pu le mettre dans mes moins. Sérieusement. Tous les gars jouent avec des nouveaux défenseurs. Ça veut dire que Souban, il faut qu'il apprenne à connaître Emeline. Markov, il joue avec Gilbert. Il veut jouer avec le jeune. Mais pourquoi il garde pas la paire Markov-Souban? C'est trop. Parce qu'il faut que Michel essaie toujours d'équilibrer. Mais malgré aussi le fait qu'ils se connaissent pas, il y a eu des sur le même père. Ouais, je veux. Des sommets de zone. Souban, il peut-tu passer l'hostie de pas? Ben, pas quand il perd. Quand il va perdre, il le fera pas. Ah ouais, les trois dernières minutes, mais quand il perd, c'est en défensive aussi le problème. Ouais, la défensive. Il passe en arrière du net, puis à un moment donné, ils sont pris. On en parlera plus en détail en deuxième période. Je m'inquiète tellement pas avec Souban. Non, ça va se placer. Là. La palette de KitKat. S'il y a de quoi, là, je pense que Emeline, la dernière game, il a été pas pire en défense pour eux. Il a fait une belle job. Emeline en défense, la dernière game contre les Bruins. Mais ça commence, c'est ça. Non, je parle en défense. Je parle pas des points. Je parle défensivement parlant. C'est ça, mon gars. On analyse tout. Tabarnak, on parle pas. On est là pour parler de hockey. Ferme le show, man. On parle plus. On a rien à dire. On est là pour ça. Ça s'en coupe. Ça s'en coupe, les gars. Ça s'en coupe aussi. Bon, fait qu'on va aller faire la première entrée. Hey, on est first, là, pareil, là, dans l'Est. Là. Quand même, on a juste une seule défaite. Bon point. Soyons positifs. On n'a pas joué une bonne game, par exemple. Mais il n'y a rien de convaincant, mais gars. Il y a du tuning, mais encore là, c'est juste 5 games. Là, c'est juste ça, on va parler des 5 games justement en deuxième entraque. Mais avant, j'ai un petit clip encore pour vous. Ça met encore en vedette Jean Perron cette semaine, qui passait à l'émission là, de Salvaille. C'est quoi, Fidèle au poste? Encore à TV, lui? En mode Salvaille. Non, avant là, son émission, là, Fidèle au poste, c'est ça? Fidèle Casso. Oui. L'affaire qui sont 3 contre 3. Là, tu dois le savoir, c'est toi qui as la plug. Je sais pas si j'ai juste vu l'extrait. Fait que, voyons. Ouais, Chris, t'es bien pas setupé. T'es source, là, le gros. Il va nous parler de longueur de bâton. Mais en parlant de Stéphane, là, il y a quelque chose que les gens ne savent pas sur Stéphane Richer. Moi, j'ai été surpris de voir la longueur de son bâton. La longueur de son bâton. Il rallongeait son bâton, Stéphane. Là, c'est-tu vrai ou faux? C'est-tu l'émission 3X qu'on fait? Ou, Non. Vrai ou faux? Hey Jean, il y a des enfants qui écoutent ça. Là. Donc, Stéphane, t'as un bâton trop long? J'avais pas le choix de la compter, l'histoire, quoi. Ben non, c'est ça. Parce que le règlement, quand j'ai arrivé dans la ligue, c'était à 59 pouces. C'était le règlement standard des compagnies. Hey, wow! Pour un grand maillard de bâton. Alors, on est de retour pour la deuxième période. Tout le temps. Il y a tout un petit quelque chose. OK, alors analysons. C'est l'attention whore. Faut tant qu'il fasse son petit sound effect. Là. Non, mais elle était bonne. Une bonne païenne là, comme ça. Là. Païenne. Ça se prend bien. Alors, analysons les 5 premières games du CH jusqu'à présent. Oh, ben là. Bon, ben passons à Run the NHL. Alors, premier match, le match d'ouverture à Toronto. Victoire 4-3 du Canadien. Mais quel Toronto, le match d'ouverture, il y avait de l'ambiance, hein, à Toronto. Mais beau les voir applaudir. C'est Toronto. C'est assez plate, aussi. En tout cas, belle performance de l'attaque. 3 des 4 assistants ont marqué cette game-là. Ouais, c'est juste Markov qui n'a pas fait de points dans cette partie-là. Mais on lui pardonne, il était quand même bon. Il est pourri! Gros problème à défensive dans cette game-là. Beaucoup de revirements, c'était assez épouvantable. On l'a gagné quand même. Ben, je l'ai trouvé cool, ce game-là, quand même. C'est le fun. C'est bon à regarder, quand même. C'est le fun parce que ça remontait tout le temps le score, tout ça. Puis, Price a sorti des beaux saves à la fin qui a sauvé le match. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, non, c'est correct. Mais est-ce que le fait que Tokarski soit 0-2 à sa tête... Peu, le point est qu'on a gagné contre Toronto notre match d'ouverture, qu'on perd tout le temps. Et ça, là, c'est presque un rêve. c'est quoi, c'est en 2009 qu'on a... J'avais eu un rêve. Ouais, c'est longtemps. C'est la première fois en 4 ans là, qu'on gagnait. Ah, plus que 2009, ça, 5... Ouais. Même 6, bon. Là. Regarde. Moi, je m'attendais à une défaite, franchement. Hey, je m'attendais à rien. Match d'ouverture, Canadien, Toronto, on perd tout le temps d'habitude. On sait bien. Ben, déjà, cette game-là, on a vu qu'on on va avoir une belle année en offensive, je pense, pour le Canadien. Là. Belle année en offensive. Une belle laine. Laine? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a dit une belle année. On enchaîne, on enchaîne. OK, c'est bon. La période est-tu commencée? Oui, oui. Oui. Parlant d'Aine, on a Varlamov qui est blessé à laine. On y reviendra. Voilà, c'était comme faire un genre de pont, là. Un segway. Avec les personnes qui l'ont pris dans leur pool, là. Échangez-moi ça le 1er novembre. Bon, il y a toujours chose à dire contre Toronto où on passe déjà à la deuxième game. Next. C'est pas rien passé, mais Toronto, il y a bien d'or. C'était une game contre Toronto. Toronto, comme... oui, il y a d'autres choses à dire. Si Toronto, c'est j'aimerais pas être un fan de Toronto dans la vie. On les veut pas, ces fans-là, au podcast. Ça, c'est comme tu manges ton pain noir, là. Depuis 20 ans. C'était pas un match. Check. C'est correct. Deuxième match contre les Capitals, une victoire de 2-1 en tir de barrage. Quel but de Galchenyuk. Ben, commençons par le par la première période. Deux fucking tirs du Canadien contre 15 des Capitals. Ouais, c'est un massacre. C'était, ouais, c'était terrible. Terrible cette ouverture de game-là. À oublier. Terrible. À oublier. Tokarski quand il est venu sauver la game. Là. Ouais. Je commenterai pas trop, j'ai pas trop écouté. J'étais au Irish Embassy. Bon, ben, c'est bon, ça. T'aurais dû l'écouter, Alex, parce que Bourque s'est fait refuser un but. Ça aurait été bon pour ton... J'ai tout vu ça sur Twitter. Ton pot. D'ailleurs, le monde, présentement, sur Twitter, nous dit qu'il y en a un qui va perdre son pari. C'est pas fini, cette affaire-là. 0 en 5 un but par deux games, on est correct. Oh, c'est bon, t'es optimiste en crise, là. Selon ce que fait le trio en ce moment. Je vais payer au pays, là. Ben, j'espère que tu vas payer. I have to keep the faith. Je vais faire 40$, moi, que ce podcast-là. Tu vas faire 20$. Avez-vous aimé les tirs de barrage avec lui, dans cette game-là? Ah, c'est ça. Comment? Avez-vous aimé les tirs de barrage dans cette game-là? Ouais. Un beau but de Galchenyuk. Une excellente fin. Un beau but de Galchenyuk. Une tasse de café. Puis encore un super beau but de Dernier qui a fait sa feinte habituelle. Ouais, lui, ouais. Là, il a fait glisser doucement entre les jambes. Ouais, tout le temps. Doucement. Il fait avec amour. Ouais. C'est ça. Passons à autre chose. Avant qu'on déambule sur le glisseur. Déambule. On va déambuler là-dessus. On déambule entre les jambes, OK? C'est ça. Avant qu'on déambule entre les jambes. La feinte à Galchenyuk ressemblait à ce que je fais quand je joue à NHL puis je fais n'importe quoi avec mon stick. Là. Non, ça ressemblait à ça. En fait, c'est le truc quand tu pèses sur R3, là, il lève son patin. Puis là, genre, oh, c'est petit. Mais bref, il l'a eu. Il l'a eu, c'était très beau. On a gagné 2-1. Ouais. Et puis, Ovechkin n'a rien fait dans cette game-là pour aller voler. Il fait jamais rien contre le Canadien. En plus, il l'a mis entier de barrage à la fin. Ah, tu le mets, tu mets pas entier de barrage, Ovechkin. Ah, mais il paraît qu'il l'a mis entre les jambes après la game. Ah, des jambes acquis sur ça. Ah, ça, on sait pas. Selon mais des sources sûres. Peut-être à Eric Fur qui fait des petits livres. Mais on sait qu'Ovechkin, lui, il veut pas se coucher à 9h puis se lever à 9h. Ouais, mais parlons-en, justement, faisons un petit aparté là-dessus. Alex Allard parlait d'Ovechkin avant le show. Là. Il veut faire le party. Des déclarations d'Ovechkin cette semaine. Ouais, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que il faisait le party. Lui, il voulait pas se réveiller à 30 ans puis d'avoir vu sa vie qu'il se levait à 9h le matin, aller s'entraîner, aller patiner, à jouer au hockey puis se coucher à 9h le soir. Fait que, qu'il était pour sortir, que c'est un Russe et que c'est ça. Les Russes, c'est comme ça, puis que même si le monde n'était pas content, que c'est ça qui est ça. Mais tu sais, je vais pas me réveiller à 30 ans. 30 ans, Chris, il a pas dit 60, il a dit 30. C'est normal, les jeunes de notre âge font les affaires de jeunes de cet âge-là. Non, mais attends une minute. C'est correct de dire ça. Mais non. Mais attends, tu me laisses-tu venir aujourd'hui, tabarnak? C'est pas correct de dire ça dans les médias, man. C'est correct que tu fasses ça, mais pas quand t'as le C sur ton chandail. Puis tu dis pas aux journalistes. Bon, non, mais ça, tu t'en calisses. Il n'y a aucune éthique, là, ce gars-là. Hey, c'est capital. Tu peux avoir le C sur ton chandail et dire ça. C'est pas un team player. C'est pas pour rien que si les Capitals n'ont jamais rien gagné, même quand ils ont eu la fameuse fenêtre il y a une couple d'années. Ah, là, la fenêtre. Il y avait vraiment quand même une bonne équipe, là, puis c'était vraiment bien monté. Mais ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Boudreau. De leadership. Non, mais ça montre que tous les coachs, la direction, ils donnent pas de curfew, rien. Ils savent pas quoi faire avec ce gars-là. Lui, il dit, moi, je vais faire ce que je veux. Il est incontrôlable. Ils ont donné le gros contrat. C'est lui qui mène pas le grave, club, ça. À Piqué, il y a des curfews à Montréal, man. Fait que... Même Piqué, je suis d'accord avec ça. C'est un coach killer, ce gars-là. Ouais, ouais, c'est lui. Il écoute pas le coach, il écoute pas le directeur général, il écoute pas le président, il s'en fout. Moi, je suis ta vedette, puis si je veux sortir, je vais sortir. Tout. Non, mais de toute façon, je veux dire, quand même qu'il joue la rockstar. Il fait le mode de vie qu'il veut. Ce gars-là, il va te mettre 50 buts à chaque année pareil. Mais il va être moins 50 en fin de saison. Tu sais, un match là, qui ça, est en lendemain de veille, là. Tu sais, ça va arriver un match qui est en lendemain de veille. Même s'il compte 50 buts, là, que l'année passée, il était à moins 50. Puis ce match-là, il est en lendemain de veille. Puis, ce soir, ça n'étend pas trop parce qu'il est sorti le soir d'avant. Tu sais, je veux dire, Chris, t'es capitaine. Comme le fameux. Tu peux pas faire ça. Comme le fameux gif sur Internet, le controller 2 disconnected. Là, puis tu le vois, c'est il avance glisse. Plus, mais il backcheck pas. Puis ça va être tout le temps de même. Puis il changera jamais. C'est un mais très mauvais leader. C'est pour ça que je suis pas un fan. Il devrait pas avoir le son genre. Excellent shooter. C'est un gars, mon gars, qui est capable de crisser dedans. C'est le meilleur pinot de la ligue. Sauf que J'aime pas ce gars-là. J'aime pas. Ah, mais moi, j'aime mieux une peanut un peu moins salée. Peut-être plus barbecue. Alors, on a les analogies de peanut présentement. C'est excellent, tout ça. Fait que c'est un esti d'effet. Ben écoute, c'est un bon joueur encore, mais c'est juste qu'à un moment donné, il va jamais triper sur Ovechkin, c'est des raisons pourquoi. Non, mais c'est parce qu'en tout cas. Ça manque de maturité. Je pense qu'il y a d'autres joueurs dans la ligue. Dans le temps qu'il était dans le Dynamo de Moscou. Je pense qu'il y a d'autres joueurs dans la ligue qui sont capables de faire le party, mais qui sont en même temps plus responsables que lui. On a une araignée dans les studios. Bon Dieu! Là, GF va faire une syncope, esti. Qu'est-ce que hey, on l'a tué. Il a fait avec ses doigts. On s'excuse à Péta. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. La ring est morte. Bref, Ovechkin, faut le pénétrer pour le comprendre. Comme dirait Jean Perron, les Russes, faut les bien les pénétrer. Non, mais tu peux pas le pénétrer. Non, tu peux pas. Prochaine game. Troisième game contre les Flyers. Victoire de 4-3 encore une fois en tir de barrage. Ben oui. Emery a joué une bonne game. C'est celle-là qui a eu beaucoup de tirs de barrage, je pense. Oui. C'était très long. Ouais, ouais. Bonne game pour les fans. Ils l'ont gagné par la peau du cul encore. Ouais, on ne méritait pas. Tout non, troisième. On l'a gagné encore troisième. Le Canadien, cette année, c'est qui... ça, le comeback. Ah, c'est exemple, on perdait 3-0, celle-là. Ouais, ouais, on est revenu. Ouais. C'était cool, le comeback. Ben, c'était cool à regarder, mais c'était frustrant au début de la game. Tu fais comme... Ouais, mais les games qui commencent de même, quand une équipe se fait scorer rapidement de même au début, souvent, là, c'est les seuls buts de l'équipe adverse que tu vas voir. C'est souvent comme ça. Après ça, il en score plus un astuce. Une différence du CH cette année. Ils ont du caractère. Ils ont l'inverse d'habitude. Ouais, d'habitude, ils performent en première, par deuxième, par en troisième, sur l'autre. L'année passée, c'est l'inverse cette année, man. C'est en troisième qui donne tout, mon gars, la grosse gomme. Mais l'année passée, je pense, pendant la saison, pendant un bout, on était le même aussi. Pendant la série, ça a changé. On comptait le premier but, on gagnait. Mais celle-là, écoute, c'était un bon game. Mais jusqu'à date, Montréal. Le voyait, le Philly, c'est une équipe qui n'a pas de confiance. Fait que tu sais, quand on était pour scorer, on était pour gagner. Quand Montréal joue 60 minutes, vraiment jouer 60 minutes. On l'a pas vu à date. Non, on le voit pas, mais on voit qu'ils sont capables de gagner. Le pays, là, c'est que... Encore une fois, juste 5 games, là. Dans ce game-là, par exemple, contre Philly, là, il y a eu des beaux moments où le Canadien avait le contrôle total de la rondelle, puis Emery faisait une belle job, là. C'était le troisième trio, là. Ouais, peu importe le trio. Sans commentaire. Ouais, là, c'était vrai. C'était vrai, ils ont-tu compté des buts? Check. Pas grave, on a les bonnes présences. Tu n'as pas dit compter buts, tu disais sans des bonnes présences. Ah, commentaire. Ils n'ont pas compté. Mais tu as des bonnes présences. Un petit trio de mal. Ouais, ça sert à des bonnes présences. Tu l'as dit toi-même sur Twitter cette semaine. Ça patinait. Bonne présence, arrête, ça sert à rien, pas des coins. Tu te mens toi-même. Là. Ouais. Écoute, moi, je suis capable de voir que ça va débloquer. Tu te fais de la peine. Ça va débloquer. On ne dit pas que ça va débloquer. Ça va pas débloquer. Alex, fais un changement de garde. On parle de ce qui s'est passé. T'as dit qu'il y avait des bonnes présences cette game-là. C'était le trio d'Eller qui faisait les meilleures présences. C'est drôle, cette année, je me suis dit. C'est qui a compté, ça? Calisse! Non, il y a l'autre Alex pour s'occuper de ça. Souvent, là, c'est ça l'affaire. Il y a comme l'autre de Shit Disturber qui est là. Par contre, il cherche présentement. Là. Il dit de la marde, là. Hey, je peux pas laisser ça passer, là. Quatrième game contre le Lightning, une partie à oublier, la game qui commence. Bon, la game c'est le slum Stanley Fight là, qui commence. Ouais, c'est ça commence. Sortez à dinde, ce petit tank. Mais les gars, êtes-vous surpris de la performance de lundi contre le Lightning? Êtes-vous surpris non, que le Lightning ça arrive. Gagne 7-1? Non, il fallait que ça arrive. Moi, je suis surpris du score. Attends, surpris que le Lightning ait gagné ou que le Canadien n'ait pas performé? Ben, je dirais que le Lightning a planté le Canadien. Êtes-vous surpris? Non, il y avait de quoi à se venger pour le... Moi, je pas parce pas que le Lightning a été dominant nécessairement. C'est parce que le Canadien était pas là. Non, le Lightning attendait ce game-là. Ça fait depuis le mois d'avril. Élimination en 4. Je suis sûr que c'est ça. Je suis pas surpris par tout parce que là, ils ont Bishop. Là, on a vu les playoffs de l'année passée. Qu'est-ce que ça aurait dû avoir de l'air? Non, je pense dans pas. Dans un sens, parce qu'eux autres, il y avait Bishop. Tu penses que le Canadien se serait fait torcher des games 7-4 à cause de deux joueurs? Non, à cause d'un goaler, puis. Non. Moi, je pense que le Canadien aurait gagné quand même. Ouais. Oui, David, oui. Tout à fait d'accord, David. De toute façon, je veux dire, les Browns aussi l'avaient sur le cœur, gars. On a vu ce que ça a donné. Ouais, mais les Browns, c'est autre chose pour m'en parler après. Les Browns, c'est pas un. On était mieux préparés. Donc, c'est ça que je dis. C'est que c'est une combinaison. Parce qu'on a perdu contre le Lightning. On a perdu contre le Lightning parce que oui, ils voulaient nous avoir, mais parce que le Canadien était complètement désorganisé. Vu qu'on a perdu 7-1, on a joué vraiment mieux. Sur papier, je pense que Lightning a une meilleure équipe que les Canadiens. Puis a une meilleure équipe que les Browns aussi. Ben, des... peut-être pas dans les goals. Le Lightning est une meilleure équipe que les Bruins ou le Canadien? Ben, les Lightning sont Lightning dangereux en hostie cette année. Ouais. Avec tout le talent offense qu'ils ont, puis en plus avec Edmund à défense, tout ça, il a oublié ça. Là. Ouais, c'était le réveil. Moi, je vois que ça va toffer. D'après moi, ils vont être dans boat cette année. Ben, ils sont dans le top 3. Moi, je dis, c'est sûr qu'ils sont dans le top 3, Lightning. Leur colonne vertébrale est vraiment bonne. Là. Ben, oui, mais déjà, en partant avec Stamkos, c'est là. Puis là, après ça, t'as Tyler Johnson qui est là. Palate, gars, oublie ça. Droin sans rien. On peut-tu le dire plus fort, Palate? Genre, tout Palate. Palate. Gars, sont à côté d'un strap, là, eux autres. Ils sont palate, pas là. À côté d'un strap. Ils sont à côté d'un strap. Ça, c'est des expressions. Les gars, Edman ou Subban à l'heure actuelle? Subban. Edman ou Subban à l'heure actuelle? Subban. Gars, je pense même pas que. Edman. Subban à long terme. Ouais. Ben même Souban, mais Edmund, juste 5 games Edmund, ça va être un bon défenseur, mais je veux dire là présentement tu donnes le joueur en dessous. Je pense j'aime mieux Souban, j'aime mieux son style de jeu là. Moi aussi Souban qui a fait la tournée des médias là, aussi, avant le début de la saison. Ouais, hein, c'est vraiment le front face du Canadien, man, ils l'ont mis partout, tout le capitaine, il était salvaire. Jamais. Ben là, justement, cette semaine, il y a eu des commentaires de Ron Fournier par rapport à Subban qui sera jamais capitaine du Canadien. Je suis d'accord avec attends lui. Attends un peu, jamais quoi, Mart? Ben, moi, je suis d'accord avec justement qu'est-ce qui est sorti avec Ron. Jamais, tout ça. Jamais quoi? Jamais capitaine. Jamais capitaine? Ouais. Ok. Je le vois pas. Sérieusement, je le vois pas. Toi, c'est parce que c'est un aigle. Tabarnak. Ça, c'est un peu rough. Avertis-moi avant de dire ça, m'a te beepé. Enlève-y la païenne. T'as pas le droit de dire ça. Tu peux dire noir, là, mais. Homme de couleur. Personne de couleur. Non, non, non. Jean Perron, il dit nègre. Tu vas me gâcher un de mes prochains punch. En tout cas, je vais le dire parce que je ne le prendrai pas en audio. J'ai vu un extrait sur YouTube aujourd'hui avec Jean Perron à TVA, Le Match. Oh, ouais. Puis c'est Georges Larac qui s'en va présenter son livre. Puis Jean Perron, il dit. Toi, c'est pas toi qui écris ça, c'est un des auteurs qui écrit ça. C'est qui ton nègre qui t'écrit ça? La face! De Larac vaut 1000 piastres, c'est incroyable. Il répète, il dit non, mais c'est parce que dans le domaine, on appelle ça un nègre. Ouais, en littérature, celui qui écrit, les autres, c'est des nègres. Là, t'as comme JC Lajoie qui vient avec et qui dit on appelle ça un auteur fantôme en passant, là, Jean Perron. Là. Nice. Ouais, mais c'est vrai que c'est des nègres. Non, mais. Ouais, mais tu dis pas ça d'en face à Georges Larac. Là. C'est comme. Tu dis pas ça à télé, anyway. Là. C'est ça dans un podcast, genre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est pas en radio. Dave vient nous faire perdre toute notre commande. Jean Perron, sacrement, là. Faut pas attendre le style non plus. Ben, j'en parlais avec Dave aujourd'hui sur Skype. On se demandait, Jean Perron, fais-tu exprès pour être tatan de même ou... Non, c'est naturel. Ah, genre, ça se peut quasiment pas. Jean Perron, là, on s'entend que c'est pas le cas. On devrait l'inviter, man. On aurait tellement il serait écœurant ici. Ah, on rirait tout. Ah, ouais. On aurait même pas besoin de parler. Il ferait le show tout seul. On ferait juste rire, man. Hey, imagine le sous, tu sais. D'après moi, il est tout le temps sous à télé. Je ne parle pas, j'imagine juste à y penser si j'ai un bonheur. Mais qu'est-ce que tu disais là, pour Ron Fournier? Il a dit que Subban ne serait jamais capitaine parce que le vestiaire est trop divisé à son égard. Ça, je veux dire, premièrement, comment tu peux le savoir? Deuxièmement, c'est vraiment tôt. Puis, tout le monde dit ça, le vestiaire quoi? Il y a Ron, est-tu dans le vestiaire de toute façon? Non, mais il y a autant des contacts, mais c'est qui? C'est un gars dans le vestiaire? Run. Mais après ça, le lendemain, il est revenu sur ses propos puis il a dit, écoutez, là, je dis pas qu'il sera jamais, mais à date d'aujourd'hui. Ouais. Ah, mais il s'est repris dans l'avant-match des Bruins. Après ça, ils ont joué l'extrait, puis après ça, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben, on a le droit de reprendre nos propos. Dave, veux-tu te rétracter sur des propos que t'aurais dit au podcast? Ou Quel genre? Je sais pas, là. Je sais pas, tu sais, genre raciste. Dans le genre raciste. Non, j'ai dit. Ou dire que Tom Gilbert est un bon joueur. J'ai dit ça de lui, là, l'affaire du noir, là. Avec ta main, t'es obligé d'être aussi. Lui, là! Lui, là! Cassant, là, c'est-tu, là. OK, bon, puis là, on va se garder. Il reste 5 minutes. Dernier match jusqu'à présent. Le 5e match. T'avais pas un extrait, là? Mais c'est pas fini encore la période. Je dis qu'il reste 5 minutes à la période. Non, mais de Ron. Ah, c'est qui l'animateur, Calis, site, là? C'est Dave! Ouais, c'est ça, là. Donne-moi ta feuille. Cinquième match, le match d'hier, le match contre les Bruins, ouverture à Montréal. Ah ouais, Ginette! Ginette a chanté. Man, pour de vrai, Charles, vas-tu revenir? Il paraît qu'il est en crise. Hein? Ben, je serais tellement en crise si j'étais lui aussi. Moi, j'ai entendu quoi par rapport à ça? Ça a l'air qu'ils l'ont crissé dehors parce qu'il aurait fait une publicité pour une compagnie de bière concurrente. Ouais, ben, il s'est présenté. Ah ouais? L'année passée, il a fait une pub pour une affaire de compagnie de bière. Il s'était présenté aux Olympiques, aux élections, là. Aux élections. Ouais. Ouais, municipal, à Montréal. Ouais, puis il n'a pas gagné, non. Bah, en tout cas, ça, c'est une affaire que j'ai entendue. Parce que je il paraît qu'il est encore à l'emploi, puis qu'il dit que ça. Mais là, il y a comme un concours pour avoir des fans. Check ça. Dans le fond, là, Charles Prévost, là, c'est comme le Peter Budaj des playoffs l'année passée, s'est fait débarquer, s'est fait bypasser, genre par le petit Jérémy. Il a demandé de se faire trader. Là, oublie ça, là, il est comme fuck it. Là, ben, je pense que c'est l'équipe qui a dit fuck it. Parce que la petite qui chante l'hymne national pour les Sarah Diamond. Sarah Diamond. Ah ouais, Sarah Diamond. Elle est correcte. De quoi elle est correcte, qu'est-ce que tu veux dire? Elle chante bien l'hymne national des États-Unis. Mais encore. Ouais, d'autres, c'est. Vas-y, Alex, c'est quoi, là? Style, t'as comme un étoile. Ça brille dans tes yeux, ouais, moi, je m'en bats pas là-dedans. C'est ça que quand elle écoute des fois, puis là, je parle qu'elle est fait avec des gros têtes. Ouais, mais t'es correct. On te parle. T'es correct. J'aime ça quand elle a pas des gros têtes. Non, mais Ginette Renaud a des estis de gros tits, par exemple. Ouais! Ouais, mais ils sont sagui pas là, mal, par exemple. Hey, gars, c'est toi. Est-ce que Ginette. Des peines de lait, est-ce que Ginette a gardé son code du Canadien tout l'été? Elle a le même code que dans les playoffs. Ben, il doit sentir compte, bon. Ouais, il doit sentir. Mais ça a manqué, ils ont jacké le toupette. On dirait qu'elle a une longueuil, man, comme un mohawk. Ouais, mais elle a toujours eu un manteau. Genre de même, puis liché sur le côté. Ouais. C'est malade. Mais elle a toujours eu ça, même quand elle chantait top, puis long en arrière. Non, mais ça, ouais, le code, c'est une tradition qu'elle a toujours gardée. Business en avant, part-time. Ah, ouais, toujours, ouais. Depuis les elle chantait pour les Nordiques. C'est incroyable, ça, comme. Elle chantait pour Québec, les Nordiques. C'est beau, là, ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est elle. Puis elle avait un code bleu dans ce temps-là. Puis là, le code rouge pour le Canadien. C'est beau. On va parler de la game de hockey, là. Je peux-tu dire, là? Laquelle? On skip. Laquelle? Contre Boston. Les Bruins. Victoire de 6-4 du Canadien contre Boston. Parce qu'on peut-tu parler d'autre chose que Ginette, là? Non. Mais, non. Hey, on peut-tu scorer des buts avec notre palette tabarnak? Hey, c'est ça, mais on peut juste scorer avec notre palette. Mais non, mais le Canadien, il amène un bon point, hein, parce que sur 10 buts, il y en a 8 qui ont été comptés sans tir. C'est dégueulasse. De quoi ça en tire? Ça veut dire des déviations sur un patin, sur un bâton. Il y a deux buts qui ont été des tirs. Gallagher, un but avec son coude, un but avec sa cheville. Dans tous les buts qui ont été comptés sans la palette, Bourque en a même pas un calice. C'est pas peu dire. Almost Bourque. Oui, il y a une affaire que j'aimerais qu'on fasse trender le hashtag sur Twitter Almost Bourque, s'il vous plaît. Ouais. Juste pour moi. Juste pour moi. Mais là, vous pouvez au moins m'en donner. Mettons qu'elle compte 5. Je vais encore payer. Là. Mais tu sais, dis pas qu'elle compte 0. Ben, il va en compter 0. C'est mon équipe. Hey, je veux qu'il en compte, même. Qui est tout double. Et si elle Alex, ça compte pas. Honnêtement, là, j'aimerais ça que tu gagnes ton pari. On serait en bonne position. Parce que si ça non, moi, là, sérieusement, les garbage goals, je m'en fous un peu. Là, parce qu'un but, c'est un but, OK. Mais ce que je préfère, c'est que les joueurs de Montréal arrêtent de diver, man. Puis qu'on perde notre astuce de réputation. C'est vrai qu'on est des divers, man. C'est vrai, Montréal. Embellishment. Cette année, je m'excuse, là. Quel dive t'as vu, toi? Quel dive t'as vu, là? Souben, il arrête pas, man. Ouais, bâton d'un coup. Il a eu des couilles, esti. Hey, toi, il est en tabarnak pour c'est ça. T'es-tu raciste, si? T'es un raciste, Mark. T'es un raciste. J'adore Emeline, pis c'est vrai qu'il y a beurré et passe, c'est le check qu'il a reçu de Lucic, là. La game d'ailleurs. Ouais, mais ça, c'était franchi. Ouais, ben, premièrement, c'était. Dos, hein. Non, mais c'était Lucic de pas faire ce check-là. Ça, dans la fin ça, du match, quand tu perds par un but, du diving, ça. C'est pas du diving, c'est de l'embellishment. C'est du upsell. Non, Chris, non, Dave, si ça, c'est pas non. Du diving. Si ben, je parle de l'affaire de Lucic sur Emilia, ben, c'est comme il a beurré et passé à la tosse. C'est de l'embellishment. Arrêtez de faker. Ça, c'est tout. Tout le monde le fait, man. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, je suis pas d'accord. C'est juste Claude Julien qui nous tag de ça. Alex, le dos dans la face à JF. Mais c'est juste Claude Julien et les Browns qui nous ont tagué. Non. Montréal est reconnu pour. À Boston. Non, pas juste à Boston. Mondialement. À travers. Mondialement dans la LNH, OK? La NNH. Non, mais Chris, Emeline, hier, là, il avait beau jeu de faire ça, c'était à la fin de la game. Damn, right. C'est un check dans le dos, calice. Ouais. Il avait le droit de se retourner pour se protéger. Non, c'était vraiment c'était peut-être pas un 2. C'était des hosties de pussy, mon gars. C'était peut-être pas. Non, mais non, mais c'était peut-être pas un 2. Gars de la vieille école. C'était un check dans le dos. Moi, c'est un j'ai fait son rôle. Moi, je vais prendre le power play, hein, Chris, puis good job, man. Ben, c'est correct. Moi, c'est mon opinion. Moi, ça me gosse. Je suis comme tabarnak. Arrêtez de vous coller ce style d'étiquette-là, d'aller chercher un 2, puis essayer de faire l'embellishment. Why not? Tout le monde le fait, man. Non, pas tout le monde le fait. Je suis pas d'accord. Tout le monde dans la ligue le fait. Boston, les premiers. Boston, c'est les pires. Ils seraient pas restés vous. Eux autres, plus. Il y a d'autres mondes qui font les Montréal. Emeline, ils sont très reconnus pour ça. Ils sont élités à travers la ligue nationale. Check bien ça, je te dis. Alors, on est dans le sondage de la semaine. Est-ce que Montréal est reconnu pour l'embellishment? Mark, absolument. Emeline, il serait, non. Il était pas debout, là. Même s'il voulait pas a tiré le 2, là, il serait pas resté debout. Non. Après le check de Lucic, non, il tombe, oh, là, c'est il sûr. S'est étampé dans la barre. Ça, c'est il s'est pas étampé serait... dans la barre. Oh, hey, non, check le replay. Hey. Arrête de checker ton assis d'affaires sur un streaming avec la qualité de merde. Check la ligne comme faux, man. Je sais pas. Pinto TVA Sport. Dave est obligé de me rabaisser avec un argument que, comme aucun un argument technique. Mais non, mais Chris, mort, sérieux. Non, mais check vrai. Comme il faut le check, là. Il arrête à terre. Check le check. Il se fait geler dans le dos sa bande. Check le check. J'ai mon opinion. Il se fait geler sa bande de dos. C'est sûr qu'il tombe, là. I like it. Peut-être qu'il y en a mis, mais il était, c'est pas un check. Oui, c'était, il pouvait pas rester legit, de bout, là, c'est mais sûr. C'est un check, un bon check dans le dos. Là. La seule affaire, il c'est check, que check, c'est sûr. Il a beurré. Toi, t'es sûr que là, sur ce check-là, il oui, reste, oui, il pouvait rester le check, de bout. Oui, mais est-ce qu'il est légal, Dave, le check? Ça, Dave, c'est pas... Je te dis que le gars, il s'est fait à côté dans le dos. Attends, il a beurré, pas. Il a mis de la boue. La seule affaire, c'est qu'il s'est tourné de dos. Puis il a pu rester sur le côté. C'est la seule affaire. Ça, je suis d'accord. Il aurait pu faire ça, je suis d'accord. Mais beurré mais épais. Vu que Lucic a frappé le numéro, c'est une pénalité okay, automatique. Pas beurré épais, mais il y a un côté acting qui a rajouté là-dedans. Okay. C'est correct. Automatique. Bon. Ah, mais il s'est, quand même fait geler dans le. Tu sais, que ce soit Emeline ou. Il s'est mis dans sa position. Ou Desarnais. Il s'est pas gelé dans le dos, il s'est mis dans sa position-là. Ouais. Ça, ça, oui, oui. Ça, ok. Mais est-ce qu'il s'est fait geler? Ça, c'est-tu beurré épais? Pour moi, je pense. La POC était loin, Lucic a décidé de frapper. Est-ce qu'il s'est fait check d'un numéro dans bande? Oui. Est-ce que c'est un boarding? C'est oui. Est-ce que c'est un change from behind? Là. Oui. Il s'est mis dans cette position-là. C'est pas les règles. Mais c'est deux choses. C'est deux pas les règlements. Là, ce que tu dis, là. C'est ça les règlements. Mais tu dis, il y a beurré épais, puis après ça, tu dis, ben, il s'est placé dans cette position-là. Il s'est mis dans cette position-là, puis après ça, il s'est. Est-ce que la rondelle était là? Il s'est laissé choir encore plus gros. Est-ce que la rondelle était là ou était rendue dans l'autre? Il s'est fait geler par un gars de 6 pieds 4. Écoute, c'est ma vision. Moi, c'est ma vision. C'est correct. Ouais. Ah, il y a eu pénétration là. Jeff, les commentaires, il y a eu pénétration. Moi, il n'y a même pas craché. Il n'y a même pas craché sur les noirs là. Tu sais, il est arrivé sec. Ok, là. Mais attends un peu. On l'a vu ce qu'il a fait aux partisans. Ouais, c'est ça. Non, mais admettons, ok, check, juste admettons, des discussions qu'il y a sur, admettons, Hockey News, admettons, whatever, admettons. Tout ce que le monde va dire sur le Canadien de Montréal, tout le temps, c'est comme, c'est des divers, c'est ici, c'est ça. Parce puis ça, c'est des fans. Ça, c'est, de le... c'est quoi ça, Hockey News? Ouais, c'est parce que c'est des sites anglophones. NBC, le ça, c'est du Montréal bashing bien raide, là. Ah oui, non, mais. Ouais, mais c'est pas par Montréal, Montréal, c'est la fille. Montréal, on est reconnu pour ça à travers la ligue, malheureusement. Quoi? On est reconnu pour ça. Mais pourquoi? On est des fakers, ça a l'air. Exact. Ben oui. Mais moi, je pense pas que c'est vrai. Quand tu regardes avec d'autres teams, je pense pas que c'est vrai. Dave, que tu sois d'accord. Avec la campagne de promotion de Claude Julien, de l'embellishment. Ou pas, Montréal est perçu comme ça. Dans le monde, voilà. Ok, mais perçu. J'aimerais maintenant, hey, les gars, j'aimerais qu'on revire d'abord les joueurs d'abord. Emeline Boom sur Lucic, qu'en avez-vous pensé de ce beau coup d'épaule? Moi, j'ai donné mon plus, man. Je suis tellement content, man. Moi, là, embellishment. Moi, Lucic, il est tombé. Embellishment. Moi, je suis pas d'accord. Il s'est fait choir sur la glace. Ok, ok. Les gars, la période est finie rapidement. Je veux qu'on finisse par rapport à cette game-là. Premier but de séquage dans l'uniforme du Canadien. Son père qui danse. Son père était très content. Ben, il a dit une chance que j'ai scoré parce que vous voulez pas voir mon père en tabarnak contre moi. Il a compté son premier but dans la Ligue nationale contre Rask, puis il a compté son premier but dans le KHL contre Rask. Contre Rask, c'est vrai. Ah ouais. Bravo, ouais. Rask. Pendant le lockout. Le fun, Rask a pas pété son bâton. Ben, non, Rask, il est pas tombé à terre non plus. Rask, il est pourri qui à Montréal. Avec Rask, il a reçu un laser. Rask, il est pas capable de péter son bâton en plus. Non, mais ça, c'est une excellente séquence. Là. C'est merveilleux pour les pour YouTube. C'est de l'embellishment, ça. Non, mais... Pourquoi que Rask il... Excusez. J'ai essayé de smoker, genre. Pourquoi que Julien a envoyé Rask quand Rask a un dossier de 3-11-3 contre le Canadien? Rask, il est pas grave de gauler contre Montréal. Il a pas le choix. Rask peut pas gauler à Montréal. Il voulait gauler une game contre Détroit, puis après ça, il l'a envoyé. Il peut pas gauler à Montréal. Ça non. S'explique pas. Moi, j'aurais mis le deuxième. C'est qui le deuxième? Deux games en deux soirs. C'est Sverberg. Qui? Sverberg. Svenberg. Sverberg. Il doit même pas avoir de carte d'hockey, ce gars. Non, il a gagné contre Montréal. Oui, oh, il y en a une carte. De il y en a des cartes, c'est des pros 7, 93, 94. Il y a eu un spectateur du Canadien qui a été expulsé pendant la game pour avoir utilisé un pointeur laser sur Rask. Non, mais même pendant le début de la game, tu le voyais qu'il mettait le pointeur dans le milieu. J'ai pas marqué. Dans le milieu, je sais pas, pendant l'opener, tu le voyais tout le temps. J'ai accroché le piton. Mais ça, honnêtement, là. J'ai bien fait de mettre dehors. C'est vraiment de la merde. Puis tu sais. Pour en revenir un peu à l'embellishment puis genre la réputation de la ligue face aux Canadiens. Prends ton pouls, Martin. Face aux Canadiens, c'est que là, hier, je checkais sur Twitter, là. Puis là, le monde, là, ça capotait sur le Canadien, puis tout le kit. Mais c'est parce que le gars, il a été sorti. Puis comment tu veux empêcher ça? Ça aurait pu arriver n'importe où dans la ligue. Mais ça dire, il y a du monde spécial. Qui disait, oh, ça a gâché l'ouverture de la saison. Non, mais c'est dans le milieu de la glace. Ah, mais ça, c'est un épais. Puis je veux dire, il y en a partout des cartes. Mais pendant la game, je l'ai pas vu. C'est comme le gars qui lance un hot dog à Tyler Seguin. Même affaire, ça. Mais oui, c'est ça. C'est bien pire. C'est le joueur qui avait lancé une banane à goaler. Ça, c'était cœur. C'était ça à Bradwaite? Ah ouais. Ils l'ont tout fait. Je pensais que c'était à Simmons. Le pire, c'est arrivé aussi. Le pire, c'est-tu à Détroit? C'est à Détroit qui lance des pieuvres à la glace? Ben, pendant les séries. Détroit, ouais. Le monde amène-tu leur pieuvre avec eux autres? Ouais, mais ça, c'est comme correct. Ça, c'est la tradition. Ouais, mais c'est vraiment weird. T'arrives avec ta glacière avec une pieuvre. Non, tu amènes ça dans ta glacière. Là, t'as ça dans un petit sac de lait. Dans tes culottes. Un sac de pain transparent. Moi, je suis sûr qu'ils en vendent des concessions. C'est qu'à Détroit, ils sont tous pauvres. Comment ils font pour acheter des pieuvres, pour mettre ça dans la pas cher, pieuvres. Ça coûte rien là-bas, man. Ça vaut pas cher. Là-bas, ça coûte rien. Ils pêchent ça là-bas. Ça pousse dans les arbres là-bas. Ben oui. Ils sont expirés. Ils sont tous moisis. Border City. Ils pêchent ça dans le lac. Dernière chose à parler par rapport à la game contre Boston. Parlons un peu de Lucic qui s'est branlé sur le banc des pénalités en fin de troisième. Ça, c'est l'embellishment. C'est pas vraiment branlé. Il se grattait. Ça montre que ce gars-là, on fait comme qu'avec Steve Bégin faisait avec Shara. Il perd la tête, mon gars. C'est parfait. Boston, Boston là, sont incapables de se contrôler contre le Canadien. Mais Emelin l'a sorti de sa game. Emelin l'a sorti de sa game. Il a joué dans le P, c'est sûr qu'il ne comprend même pas ce que Lucic lui dit sur la glace. Non, mais sérieusement, je disais ça à Dave plus tôt. Je serais le DG de Boston, là, puis je regarderais Lucic, je fais comme, hey, toi, mon esti, là, tu prends un deux, tu vas au banc, puis tu fermes ta gueule, man. Arrête de faire ton esti. Non seulement il a envoyé chier la foule, puis c'est comme branlé devant la foule, en gros guillemets, il est sorti du banc des pénalités, puis t'as envoyé chier les arbitres. Puis il s'est fait sortir aussi après ça. C'est parce que ça devient une distraction dans ton team. C'est clair, c'est clair, tu perds ton focus complètement. C'était 10 secondes la fin. Comme on disait, moi, Mark, tantôt, on parlait de ça, puis c'est parce que tu prouves que ça joue dans la tête de l'équipe. Tu prouves que t'as aucun contrôle. Moi, je viens que je veux voir que tu viens de faire. Tu prouves bien raide que tu viens de jouer dans la tête de l'équipe, puis c'est de même. Le Canadien joue dans la tête de Boston. C'est tout le temps. Malade. Tu sais, Béchin, il faisait à Chara, puis on aimait ça, mais là, tu vois, il perd la tête, mon gars. Ouais, mais c'est parce que. C'est parfait, man. Ta game finit comme ça. Tu laisses une empreinte pour la prochaine game. Ouais, puis c'est ça, mais il a voulu finir une série de manques, il a laissé une empreinte pour cette game. Exact, c'est ça. La prochaine, on va peut-être avoir un autre. Il creuse sa tombe avec une pelle, man, tout seul. On sait juste que Lucic, c'est un gros Chris de Mongol. C'est un gros Chris de singe. C'est un esti d'épais. Pour vrai, là, ce gars-là, aucun respect pour ce joueur. Alors, pour son geste sur le banc des pénalités, il y a eu une amende de 5 000 $. Bon, il y a beaucoup de monde qui chiale sur les réseaux sociaux que c'est pas assez. C'est le maximum. C'est le maximum par la convention. On peut pas suspendre. On peut pas rien faire. C'est le maximum par la convention collective. Sinon, il faut qu'il y ait plus haut, je pense. Pour, c'est correct qu'il agit. Au moins, il y a c'est correct qu'il ait donné quelque chose parce que tu peux pas laisser des gestes de même impunis. Ça a ni la réputation de la ligue. Dans une série contre Boston, il y avait. C'est c'était Ferentz. Boychuk qui a fait ça. Non, c'est Boychuk ou Ferentz. Ouais, c'est un des fois que le gars qui a dit des médias. Ouais. Ouais. Non, mais c'est à jouer Ferentz. C'est juste un manque. C'est vrai, excuse-moi. Ouais, c'est un manque de respect. C'est un manque de savoir-vivre. Le super capitaine des Oilers. Ouais. Manque de respect et un manque de savoir-vivre. Il y a une affaire que je comprends pas. Il y a eu une amende de 5 000 $, mais il n'y a rien eu quand il a menacé Weiss. Parce que c'était fini. Ouais, parce que c'est vrai. C'est ça. Tu n'as pas de preuves. C'est la parole d'un contre l'autre. C'est ça. Ben, he said. On sait pas. C'est une expression. On n'est pas dans la douche. On le sait pas. Peut-être qu'un joueur non, c'est un peu une honte pour la game. C'est une honte pour la game. T'sais, c'est un manque de savoir-vivre. Puis j'aimerais juste dire aussi que. C'est du sport, là. Hostie que j'aille Brad Marchand. Brad Marchand, c'est un tabarnak, je l'ai. Je le déteste de haine pure. Ce gars-là, je suis pas capable. Je le voudrais même pas dans mon équipe. Ben, j'y veux du mal, moi. C'est l'exception que je ramènerai un goon juste pour y coller ça un bâton sur la gueule. Oh, ouais, ah, c'est le seul gars dans la ligue que je fais. Ah ouais, je verrais tellement. Peut-être là, John Scott. Quoi, on a vu Geoffrion ou je sais pas trop qui crie. Attends, on parle John Scott tantôt, Mark. Mais moi, quand je suis frustré contre lui, je vais checker le hit de Subban qu'il a fait dans sa première année. Il savait plus son nom. Il est content un peu. Il est venu au banc et il était tout fucké. Hier, pendant la game contre les Bruins, là. me semble que ça aurait été parfait. Avec Gallagher, il était, ouais, chien, machin. C'était dégueulasse. Mais il me semble que ça aurait été la game parfaite pour que genre Emlyn l'étampe solide au-dessus. Ah, mais Emlyn, il n'est pas capable de le pogner, Marchand. Non, mais il ne joue pas en même temps. C'est ça, il joue jamais. Mais Subban, au pire, je sais pas. Guys, c'était Emlyn de Lucic Krejci. Non, je sais, mais on a gagné. On a gagné, je le sais. C'est ce qui est plus important. Mais ça aurait été. Ça prend un qui est agréable. Ça aurait été la série, c'est le samedi. Ça fait du bien. Il reste encore des games contre Boston. Ça, c'est vrai. Oui, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la saison. Marchand se fait jamais pogner parce que c'est un joueur quand même. Il joue bien parce sa game. Parce que t'as un petit rat, il est vite. Il regarde si les Reds ne regardent pas, puis le petit coup de poing dans la face. Il joue bien sa game. Mais tu sais, si je jouerais au hockey, j'aimerais ça jouer comme lui. Ben, c'est un bon joueur. Ça. Mais Marchand, je dirais que c'est le rat. J'aime mieux Gallagher, parce qu'il joue dans la tête, mais il n'est pas salaud, il n'est pas crosseur. Avant de... Il n'est pas fakeux comme Marchand. On vient faire deux périodes en une. Avant d'aller en pause, j'aimerais poser une question à Alex. Justement, tu prends encore ton équipe, Lucic? Après tout ce qui se passe présentement avec lui. Après que ça ait la fin de saison, se crosser devant le monde de Montréal. Toute cette en grâce. Tant qu'individu, non. En tant que joueur, oui, peut-être encore. Oh. Mais j'aurais bien de la misère. Pour le reste, j'ai vraiment perdu du respect pour lui, juste la façon qu'il agit. Parce qu'il s'est masturbé devant le monde. Mais pas ça, juste la distraction. Le après genre moi, de ce joueur gars qui serait capable de se masturber d'un parc en public. Là. Là, dans saison morte. Il y a un journaliste sur Twitter anglophone, je me souviens pas c'est qui, il a dit « J'ai appris pendant la partie contre entre les Canadiens et les Bruins que Lucic était droitier. » Parce qu'il faisait des pas de se crosser avec la droite. Ben, j'arrête, c'est ça, mais j'arrête de la... Je sais pas. En tant que DG, je pense si bien. Il aiderait-tu mon équipe? Ça, faut que tu penses à la moi, oui, t'es le seul sur la table. Ben, tu le mets, ce gars-là, sur le marché, là. Tout le monde le joue. Prendrais-tu Lucic contre Morin? Ah, Chris, oui, là. Tu parles même pas de... Lucic contre un tas de marde. On parle pas de la même business, là. Lucic, hey, Morin contre un tas de marde aussi. Mais là, Morin... Un tas de marde avec un petit chou sur le dessus. Enlève Morin de l'équation. Hey, Lucic, il irait ça à Montréal, tu penses? OK, mais on mettrait du contre Morin contre Galchenyuk. Lucic contre Galchenyuk. Non, comme Higuinla a dit qu'il viendrait pas à Montréal, Lucic ne viendrait jamais à Montréal. Mais jamais Bergevin va signer ce singe-là. Non, tu ne veux pas. À moins qu'il fasse un rêve... Un acid rave puis qui a pris genre de l'ecstasy fait que là, moi, ça me fait chier. Moi ça me fait chier parce qu'il y a des joueurs qui font la même job que Lucic. Chris Neal, man. Ça là c'est comme je prendrais pas le gars. Chris Neal, ouais. Chris Neal, oui, je le déteste, mais je le prends en tabarnak dans mon team. Mais ça, lui ça, je le voyais pareil, sauf que gars lui, Lucic compte plus de buts, Chris Neal. Fait qu'avant je l'aurais pris, mais avant qu'il agisse, maintenant qu'il agit comme ça, non. Je suis d'accord qu'il compte plus de buts, mais si on parle de joueurs que t'aimes pas, que tu voudrais dans ton équipe, Chris Neal. J'avoue que je le prendrais. Toi, Alex, t'as une division de Lucic, genre pré-crossage puis post-crossage, c'est ça? Ouais. Toi, t'as une vision genre... Pré-menace de mort. Post-com puis... C'est dur à dire, t'sais. Mais je suis pas sûr que Lucic va faire tant de buts cette année. Non, effectivement. Si tu veux faire un bet, moi, je suis toujours à ton bet. Il est pas bien combien de buts qu'il a fait l'année passée, je sais même pas. Anyway, on s'en fout. Il y a 6 games de jouer, Boston est pas bien parti. On relaxe les bets. 5 games. J'ai quand même pris Raz dans mon pool, les boys. Moi aussi. On va aller faire... Il paye pas bien. La deuxième entracte. Et puis là, j'ai un clip audio de bloopers de Danny Dubé. C'est très succulent. Alors, je propose qu'on écoute ça et on revient après pour la troisième période. Quand t'es à 3, tu crées un surnombre d'un côté. Mais quand le défenseur pénètre également, là, t'as une double pénétration. Donc, des deux côtés, il y a des surnombres. Est-ce que ça complète? Ça fait-tu le tour? C'est fini. OK. Je pense qu'on devrait avoir une commandite là pour le sommaire. Le sommaire de la période vous est présenté par le Journal de Montréal. Pour tout savoir sur le match de ce soir, ne manquez pas les reportages de nos experts demain dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Dans le langage, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça que ça veut dire. On est de retour pour la troisième période. Bon, avant de faire le tour de la NHL, deux petits trucs. Il y a une stats que TVA Sports nous a donnée pendant le premier match contre Toronto. Pacioretty marque le 9000e but du CH à l'étranger en première période. What the fuck? Non, mais finalement, c'est le 9000e but à l'étranger. Non, en première période. Non, c'était non, c'est à l'étranger. Ils ont donné des fausses stats de base. Ben, c'est peut-être la manière qu'il l'a TVA dit, Sport. Mais c'était vraiment à l'étranger parce qu'il ça, c'est pas là. Ils en ont reparlé. Non, c'est pas pour ça. Non, TVA Sport, pas là, n'est pas là. Oui, il est là. Non, j'avais bien... Non, mais pas pendant la diffusion du match, je parle. Genre de stats qu'on s'en calisse. C'était pendant le match, l'ont fait. C'était pendant la description qu'ils l'ont dit, genre. Là. Ah, c'est les stats. Ouais, mais c'est check. Paul qui a trouvé ça, là, sûrement. Ben, ça, c'est ce que je me suis dit, moi aussi. Ils l'ont sorti à RDS, puis ils ont mentionné vraiment juste. Match à la. Ben, t'es vraiment. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment une stats à la Fern des bons. Malheureusement, Fern est mort comme le sujet, alors on va passer à autre chose. Ouais, je sais même pas pourquoi on parle de ça. Hey, passons donc au salon. Ben, Chris, 9000 buts à l'étranger en première période. En 100 ans, c'est quand même fort en hostie. C'est pas sipé, c'est pas sipé. On s'en calisse. Hostie, toi, t'es tellement pas là. Tu sais, là, c'est le fun de parler de ça. Le trouble fait, on s'en calisse. Mais c'est vrai qu'on s'en calisse. T'as bien raison. Cette semaine, Jeff nous a sorti une stat. Avant le match d'hier, le Canadien était 0 en 32 en powerplay. Dans les 12 dernières games. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec l'avantage numérique du Canadien présentement? Ça soc, man. On a perdu. Pourquoi on soc autant que ça? Là, on a perdu Galant et tout. Là. C'est lui qui renaît le powerplay. Là. Ah, moi, je pense que pour de vrai, c'est pas mal la même affaire qu'ils font que l'année passée, puis ça vient en séquence, les powerplays, puis on était sur une mauvaise séquence. On a des bonnes, on a compté contre les Browns. On a fait Browns. Deux ou trois hier, je pense, contre les Browns. C'est parce qu'il check une personne, puis c'est Souben en powerplay, puis si Souben, il rayait de la carte, ben oublie ça. Ouais, mais il tire moins cette année, il fait plus de tirs passes. Comme Capelle. Ah, les tirs passes. Écoute, je pense que c'est des séquences, puis gaffe. Un bon one-timer, comme on dit dans le jargon. Ah, mais on n'a pas de one-timer de one-timer de qualité dans l'équipe. Tu sais, comme on avait avec Camilleri dans le temps. Paranto n'a pas de temps. Oui, Paranto, c'était beau son goal. Sérieusement, contre Boston, j'étais comme, wow, ça c'est nice. Paranto, y croyez-vous cette année? Ouais. Va-tu faire bien avec les Canadiens? Je pense que oui. Honnêtement, laisse donc encore. Il y a 5 games, là, mais j'aime ce que je vois. Ça sera pas. T'es pas bandé par Anto. C'est pas malade. Un Vanek, là, c'est 15-20 buts. Yeah, ça, je t'ai pas demandé si t'étais bandé par Anto. J'aime là. Plus que ça. Plus que 15-20. 15-20, c'est très conservateur. Plus que ça. Ça sera pas. Va-t-il faire ça? Ça sera pas le sauveur. On va donner la chance au coureur. Je pense que ça peut ressembler à ça. Non, admettons, check les plus comme one-on-one. Qu'est-ce que ça donne contre Brière? Qu'est-ce qu'on a comme fait le trade? C'est sûr que c'est mieux que Brière. C'est sûr que c'est mieux que Brière. Je pense que tout le monde est d'accord. Il est jeune et tout. Il a 30 ans. Il a compté son 75e but en carrière. Il a commencé tard, lui. Mais il paraît qu'il était bien sa brosse avant. Ça se peut, mais il a commencé sa carrière genre à 27 ans à peu près. Il était gros, ouais. Genre comme la tendresse, hein? Gros comme un gars qui est pas en forme, là. Gros avec la tendresse. Il était sa brosse. Comme la tendresse avec des cuisses molles dans des jeans serrés. Il patinait comme un pingouin. Là. Mais ouais, j'ai entendu ça qu'il était tout souvent sa brosse, qu'il était pas. Il arrivait d'un camp, il était pas en shape vraiment, puis c'était ça son défaut. Il était vraiment. Il a pas une bonne éthique de travail. Les gars, sa brosse. Ça brosse très. Il s'est blessé. Son but, en tout cas, c'est vraiment cool parce qu'il avait l'air vraiment. Mais on va donner la chance au coureur. Puis moi, j'ai hâte de voir. Mais ça va prendre, ça va prendre une trentaine de games avant. Moi, s'il me donne 20 buts, je suis bien content. Ben, il a scoré deux hier contre Boston. Il a probablement un peu enlevé la pression de ses premiers buts. Heures, que... Ah, mais c'est plus mais... que Bourque. Ouais. Mais il a connu ses meilleurs. Il a connu ses meilleurs saisons. Ouais, mais dis-toi que. Avec les Islanders. Ok, mais dis-toi que Parentos peut avoir un nasty slope là, tu le verras pas pendant 20 games. Oh, mais c'est sûr, certain. J'ai hâte de voir ça. Qui ça? Paranto. Ouais, mais c'est ça... quoi tu te bases pour dire ça? Parce que sa saison, les saisons qu'il y a eu avec l'Islanders, non, mais Alex, super bon. Alex, c'est la saison passée avec l'Avalanche. Il a fait ça 20 buts en carrière, ouais. Le maximum. Ouais, c'est 20 buts. Sur quoi tu te bases qu'il y a Bourg qui va scorer 7 buts en 20 games? Parce qu'il y a une bonne saison. Des bonnes séries. Des bonnes séries. Bon, check bien ça. Check bien ça. Je suis un éternel optimiste. Faites pas trop d'attente, par exemple, puis achetez-vous pas un chandail de. J'ai dit 20 buts. Non, on n'a pas dit que Parenteau va scorer 80 buts. Il va faire la job, je pense. 20 buts, je pense. C'est ça, sa deuxième ou troisième ligne. C'est ça, c'est au ça. Moins 25 buts. Au moins 25. Ben, 25 buts, c'est sa meilleure saison. En tout cas, on a amélioré notre sort avec lui. Il va faire 25 buts, selon moi. Mais regarde, énorme. Il va faire 25 buts. Non, tu cherches une autre bête, toi. Ouais, je pense que oui. Il veut juste faire de l'argent. Il me regarde en plus, il va faire 25 buts. Moi, c'est pas de casse-là. C'est pas de casse-là, c'est mon sideline. Il va y avoir un side podcast qui va se former de bêtes sur le côté. Calvaire, j'espère que t'as d'autres sidelines à part de ça. Non. Tu vas vivre pas. Bon. J'ai mon salaire de prof. Puis hey, c'est autres, on mange du crab dinner. Avec des saucisses high grade. Là. Que tu fais chauffer pendant une heure dans l'eau bouillante qui soit bien, bien grosse. Là. C'est bon, des saucisses high grade. Là. C'est excellent. Toujours mieux que des saucisses. Ton crab dinner avec un petit peu de saucisses. T'as tes protéines. Tu mets un petit peu de brocoli. C'était clair. Ah ouais, okay, là, on se calme. On n'est pas un podcast qui parle de saucisses. Podcast culinaire. Après ça, tu vomis. On arrête de parler de Lucic, là, on passe. De Lucic et de saucisse. Et sur ça, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ah ouais, donc. Around the NHL. Ça fait louche quand tu dis on est un podcast de saucisse. Ouais. Non, j'ai dit on n'est pas un podcast de saucisse. Chance. Calis, écoute. Around the NHL. Ben, on est pas mal des saucisses autour de la table, là, je te dirais. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ah, on doit faire quoi aussi? Un bon saucisse. Un pied de saucisse. Mais on a 30 pieds de fil. On va rejoindre Stéphane Richer, là. Alors, une autre commotion pour Jeff Skinner, pauvre gars. Asti, Skinner, man, c'est le prochain Simon Gagné, c'est quoi? Là? Il parlait de Simon Gagné. J'ai quoi avec Simon Gagné pour plus tard en plus? Il a compté un but, genre. Ouais, son premier avec les Bruins. Mais lui, il était à une mise en échec d'Emeline de faire une promotion puis d'être out pour finir la carrière. La vie. Là. Ben, justement, sa vie, man. On parle de Simon Gagné. Simon Gagné a signé un contrat d'un an à 600 000 avec les Bruins. Très bon marché. Très bon marché pour un gars qui a une commotion de mourir, effectivement. Il a du talent, Chris. Ben, wow, là. Ben, il est bon. Hey, on se calme. Deux ans des joueurs de 600 000, il est bon de même. Il n'y a pas grand joueur de 600 000 qui ont du talent comme ça. Simon Gagné, il aurait dû arrêter drette, là. Là, il poursuit son rêve, mais il joue avec les poignées de sa tombe, ce gars-là. Mais sérieux, là. Mais les poignées pas de sa tombe. Peut-être, on va voir au courant de la saison ce qui va se passer. C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Elle est morte de ses expressions de la journée. Poignées de sa tombe. Aïe, man. Ben, gars, good sign pour 100 000, man, je le signerai. Il y a un ticket, certain, il y a 100, un ticket 150, direct pour mon rien. I'm on a highway to hell. Se mettre à côté des neiges. Voilà. Josh Georges, 19 tirs bloqués en 4 matchs. Voilà. Surprise. Il donne la voix des bleus. C'est sûr, man, il joue pas flou, Chris. Il joue ses genoux. Moi, je vous drop des informations comme ça, là. Il joue à tête tout le long. Avec Alak, c'est sûr, tu préfères te pitcher devant le tir. Il n'est pas Alak. Alak, il n'est pas avec les Blues. T'es avec les Islanders. Tu parles de Buffalo. Ouais, t'as parlé de Georges. Oups. C'est mélangé. C'est parce qu'Alak, Alak, il a fait de team cet été, là. Un moment de la jasette. C'est qui Goaler? C'est qui Goaler de Buffalo? Jonas Enrot. Ah, c'est Enrot, c'est vrai. Ben, Enrot, hostie, hein. Enrot. Enrot. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il était en train de bloquer les shots. Alak a transigé par les sorts, par exemple. Ouais, ouais. Mais ouais, il est allé à Islanders. Il a switché tout de suite après les Islanders. Ouais. Okay. Il a abouti avec les Islanders, puis d'ailleurs, c'est mon prochain point. Les Islanders sont toujours invaincus présentement. Ouais. Surprenant, ouais. Wow. Très surprenant. Puis c'est l'équipe qui compte le plus de buts présentement. Ah, ouais. Ouais, mais Tavares, c'est le chef d'orchestre de toute la patente. Tavares, c'est écœurant. Oui, puis un autre qui a sorti nulle part, c'est Carl Okposo. Tout un joueur. Pas nulle part, là. Ben non, Carl Okposo. Il était bon, Okposo. Il était bon, genre, qui a commencé à jouer l'année passée. Ben non. Avant ça, c'était pas fort, là. Ben, il a toujours été. Deux ans, il était bon. Ben, il est bloc, là. On savait que c'est un bon jeune. C'est ça, ben, il a commencé à bien jouer l'année passée. Il a fait 70 points en peut-être 71 matchs. On va valider ça même. Là. Si, non, 70 points, 71 matchs. Moi, t'as le montré. Il l'a dans son pot. Attends, ça, c'est pas long. T'es déjà dans ton pot, là. Moi. L'année passée, il y a eu 69 points en 71 matchs. Ah, t'as 20 matchs. C'est bon. Pas saut, puis avant ça, en 48-24, 45 en 79. 48-24, c'est bon. Non, Hoc pas saut, pour vrai, c'est un excellent joueur. On savait qu'il était prêt à être bon. Ça a pas épairé avec qui, c'est ça, mais tu sais... Le déblocage d'un joueur, c'est tout le temps. Mais tu sais, il a 26 ans, là. C'est pas un. Puis il était quand même derrière Islanders. C'est pas un vieux joueur. Là, les Islanders, c'est pas vrai, ils ont amélioré leur défense. Un attaquant. Ben oui, deux trades. On allait chercher un boy Chuck. Hey, pour une fois, c'est-tu qui gagne des trades? Lui, il était en tabarnak de se faire trader. Ça pouvait pas être pire. Il était pas content. Ça pouvait pas être pire. Il était pas content de se faire trader. Ils ont tradé Boy Chuck pour signer Gagné, ça a l'air. Bah, sur il n'y a plus de place, bah, ben, il n'y a plus de place. Si, eux autres, dans le fond, ils ont magasiné de la masse salariale et du cap space, là, dans le fond. Ah, ben, il fallait. Il leur restait même 600 000, ben, Simon Gagné, c'est du change, ça, d'habitude. Là, je pense qu'ils ont 3 millions de lousses. 600 000 pour une quarantaine de games. Ils ont été chanceux parce qu'ils ont réussi à signer Corey Roy. Attends, c'est quand la prochaine game contre le Canadien? Ça compte sa masse salariale, c'est quoi Corey Roy? Là, ils ont réussi à signer Corey Crew. Ça commence à être pour 1.4. 35 ans et plus, oui. Ouais, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu dis, Mart? Boston, dans le fond, ils ont fait ce trade-là. Puis en plus de ça, ils ont réussi à signer quand même Torrey Krug puis Riley Smith pour 1.4. Ben, ça, c'est deux jeunes chacun. Qui ont signé. Les deux jeunes, je suis qui ont signé plus bas juste pour pouvoir. Ouais, mais c'est un contrat d'un an. Bon, c'est ça. Mais tu sais, c'est une patch. En attendant, ils veulent les. Non, mais ils veulent. C'est même pas un contrat de transition. C'est même pas encore un bridge. C'est juste pour dire, s'il vous plaît, aide-moi cette année, puis l'année prochaine, je te paye. Donnez-moi une chance, puis je vais vous signer. C'est ça. Ouais, ils vont demander du cash l'année passée, ça c'est l'année prochaine, je veux dire, c'est sûr et certain. Il dépend comment ils font cette année. Ouais, ça dépend, c'est ça. Mais ben, si Krug est cold, c'est ça que j'ai dans mon pool. Ouais. Mais Krug, il va être un petit flocon à côté. Calisse! Tu sais, ça veut dire que. Mais il va tomber dans son 2,5-3 millions par année après. Oui, il va valoir plus que ça, ça dit. À l'inverse des Islanders qui sont toujours invaincus, les Oilers n'ont toujours pas gagné. C'est prévisible. What a les joke. Oilers, c'est ça fait ça, dur. Sérieusement, qui enlève Steve Eakins. Là, mais quand Ferrin, c'est ton capitaine, là, un sixième défenseur bien, de 35 ans, puis lui, il pense qu'il va aller faire la leçon aux jeunes. Ouais, mais Ferrin, plus... était considéré comme un bon défenseur avec les Bruins. Mais tabarnak, tu regardes l'équipe mais des c'est... Bruins qui avait comme défense, là, genre 2-3 ans. C'était comme une des meilleures défensives de la ligue. C'est sûr qu'il était des meilleurs défenseurs. Pas capable de signer. Ils ont laissé quoi, 24 buts en. Est-ce que c'est ouais, mais là, eux, c'est attends, Edmonton, okay, là, ils ont que... 23 buts d'alloués jusqu'à date. Ben, en combien de matchs? 4 games. C'est ça, c'est dégueulasse. Ouais, 23 buts, 4 games. Pas de goalers. Mais il n'y avait pas de goalers. Ouais. Il y avait Devin Dubnyk. Mais même cette année, ils n'ont pas. Ils ont un différentiel de moins 12. Ça, c'est dégueulasse. Mais ça, il paraît qu'ils disent aux jeunes, allez avoir du fun, mais OK, t'as pas le droit de... Là, faut que tu dompes la puck. Fais attention à ci, fais attention... Il paraît que... Tu sais, les jeunes, là, ils savent moi, pas ça me fait capoter faire. Un team a... qui il repêche des bombes à chaque année, puis ils sont pas capables de. Ils repêchent des attaquants. L'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils auraient dû repêcher un défenseur. Parce qu'il y a Kupov, il faut rien, puis Ryan Murray, ça va être un excellent défenseur. Puis Egan, ça a l'air, j'ai entendu cette semaine, il a tout enlevé les photos de Gretzky, Messi, qui ont gagné ça fait longtemps. L'année passée, il a fait ça. Ce qui me ferait chier, c'est que Edmonton repêche premier, puis ils vont pogner avec McDavid l'année prochaine. Ça, là, ça serait ridicule. Ça va un autre attaquant qui va se ramasser nulle part. Non, sérieusement, là, la fin qui arrive avec Edmonton, là, c'est que c'est toute l'organisation en haut. Ah, même le deuxième étage. Là, ils ont besoin de trader de leur gros là, choix au repêchage là, à l'attaque. Là, genre, ils ont repêché man, Taylor Hall, Stieberle, Yakupov, Nugent Hopkins. Ils ont tous été chercher les premiers choix au repêchage des dernières années, là, les top Stie canons. Non, mais c'est quand t'as pas de défense, parce qu'ils ont rien en défense, Stie. Ouais, mais ça, ça donne rien. Ils ont pas de gardien en plus. Le recruteur, ils n'ont pas de gardien. Ils n'ont pas de gardien, puis l'équipe est trop jeune, Stie. Mais ça, c'est le directeur général qui finit par prendre la décision. Ils sont prêts à faire un coup de bâton. Le pire, c'est que Mitavich a commencé l'année passée à diriger l'équipe. Ouais, mais les recruteurs, ils sont où, eux autres? Meilleur à NHL dans la BAGM, Asti. On s'entend, là. Ils sont prêts à gérer un club de hockey. T'as joué combien de saisons, là? D'ailleurs. C'est facile, là, tu sais, BGM. Tu fais des trades des fois que. Oh, it's accepted. Tu sais, c'est comme. Ok. Non, mais faut que tu aies. On s'est entendu que je faisais une joke, là, Asti. Ah, c'était une joke. Ah, ouais. Ah, ok. Cool. Ok, je vais te dire la prochaine fois que je fais une joke. Dis-le à lui aussi. Prochain point. Mais sérieusement, juste en affaire. Prochain point, Mike. Comment que des fans peuvent endurer ça aussi longtemps? Mais nous autres, on a mangé le surtout Edmonton qui a fuck all affaire là-bas. Donnez-leur une équipe gagnante, sacrément. Plein de monde pêche le chandail, ça glace. Hey, non, mais check les équipes canadiennes. Edmonton, Calgary, Vancouver. Toronto. Calgary, ça va, cette année? Mais Vancouver, ça peut encore. Ça dépend des saisons, là. Mais tabarnak, man. Mais Calgary, cette année, ça va Winnipeg. Winnipeg. Winnipeg, Toronto, Edmonton. Mais Ottawa, c'est pas si pire. Ottawa, ils ont quand même une certaine profondeur. Ils ont juste un leader, c'est le Canadien. Ils ont juste un kit pour applaudir. Ils ont un goaler, ils ont un bon goaler. Ils font les playoffs. Ils font les playoffs. Mais Ottawa? Je sais pas. Ben, l'année passée. Non, cette année. Non, ils n'ont pas passé l'année passée. Oh, ben, t'as marre. Oh, ben, Ottawa, plus. Moi, j'ai pas d'ordre. OK, on change le nom de la soirée du podcast pour la soirée du Gamble. Les Gamblers anonymes, bonsoir. 7,5 millions. Bon, 7,5 millions. Mark cache en micro quand on s'entendait pas. Parce que ça mène. Regardez. C'est discussion de ça. C'est des grosses gageurs, ça, 7,5 millions. Prochain point. On vous entend tabarnak, les gars. NHL Game Center Ice cette année vont offrir d'autres angles de caméras. Je sais pas si vous avez vu les caméras sur les cases des refs. C'est de la merde. Ben, c'est cool pour un replay. Mais je l'ai l'application. Puis tu peux mettre les cams en haut des refs, non-stop, en haut des goalers. Puis En haut des goalers, c'est plate. Ouais, tabarnak. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Ben ouais, mais c'est parce que quand l'action est de l'autre bord. C'est bon quand il y a des replays. Quoi, comme... il y a la caméra, c'est une case du ref. Ouais, t'as un ref qui a une... Là, c'est comme un first person shooter. Mais pas toutes les games. Ça, c'est... Non. Ah, non. Ça, c'est cool comme effet, mais une fois de temps en temps. Comme mais pas toutes un, les games. Un genre spécial. Mais tu voyez, on disait, là, que cool, on disait que TVA Sport avait le feed de Sportsnet. Oui, sauf que Sportsnet ont des angles d'extra que TVA Sport n'a pas. Il y a une genre de cam flottante qui se promène en haut qui est très cool. Cette cam-là est vraiment cool, mais elle qui abuse. Ah, oh, ben oui. Elle est fun, la cam, c'est un beau point de vue, mais il y a buzz. Ah, ils font juste ça. Ah, c'est comme la caméra de TVA Sport avec les crottes de nez. Là. Ouais, elle dresse une balle. La caméra, c'est mais, grave, mais par contre, ce que j'avais demandé, moi, dans mon souhait l'année passée, à la fin du podcast, c'est d'avoir un choix d'angle des caméras différents pour le hockey. Puis c'est ce qui s'est produit cette année. Fait que je suis quand même content. Là. Je peux dire merci à ma compagnie. Merci de m'avoir donné la compagnie à toi. C'est à toi. C'est sûr qu'Alex permet des grosses gageurs comme Bourque. Chris m'a gagé 20 000. Moi, en plus, je le savais avant tout le monde, mais j'ai juste non, pas non, le droit non, de c'est quoi, Rogers, c'est zosti de crosseur, man. Là. Sérieusement, quoi? Game Center, cette année, c'est 220$. Non, c'est 199. C'est quand même cher. Ah, mais elle avait dit avec Taxon. Pour 20$ près, hein, Alex? 20$ près. C'est 199 pour un abonné Rogers. Mais c'est plus cher. C'est plus cher. Ouais, c'est pour un abonné Rogers, t'as accès à Game Center Rogers, Live. Parce que ils vont faire des cadeaux à du monde qui sont pas abonnés chez Rogers. Ouais. Il y a trop de plugs, Hey, Rogers, ça ne tente pas une commandité. Non. On change. Ça ne tente pas de faire commanditer par des crosseurs. Ouais, bon point, smart. On passe au prochain sujet. On n'est pas des vendus, esti. Le monde qui aime Lucic, fuck you, esti. Ouais, c'est ça. Fuck off, Rogers. On avait dit dans le dernier podcast que Gianta et Georges étaient des nobody chez les Sabres. Finalement, on s'est trompé. Gianta est devenu capitaine des Sabres et Georges ouais, le assistant. Lendemain, genre. Le lendemain, ouais. Le lendemain du podcast. Hey, non, mais ouais. ça te prend-tu un manque de leadership dans ton équipe quand tu... Les gars viennent chercher d'arriver. Deux non, gars puis t'es mets avec un C puis un A direct. Ils ont même pas fait un esti game. Ils ont un C puis un A. NHL manque de leadership dans ton prédit. Équipe. Puis à Montréal, on a il était capitaine. Ouais. NHL 2015 l'avait prédit. Ouais, Gianta était capitaine parfait, au début de la saison. C'est au début c'est de la, parfait, du lancement du jeu. Really? Fait que tu vois, on aurait dû se fier à NHL. Well, whoop-de-doo! Next! À Buffalo, là, Gianta, là, capitaine, c'est parfait. Ouais, mais en même temps, c'est comme le gars vient d'arriver puis ça, oh, ben c'est le capitaine. Ouais, ça veut dire Chris, que t'as pas personne, dude. Ils ont fuck all, man. C'est dégueulasse. Ils ont fuck ben, c'est justement qu'on dit. Là. On est tous d'accord. Mais dans la chambre, on dit tout la même c'est part, quoi là. La réaction? T'amènes deux nouveaux gars puis oh, ouais. Capitaine puis assistant direct. Chris, on est vraiment en poche. C'est chiant pour les vétérans qui ont joué 10 ans à Buffalo. Ouais. Comme qui? Il en reste qui a joué? C'est ça. Hey, le vétéran à Buffalo, là, c'est justement c'est Pat Lafontaine. Comment il s'appelle donc, ce type gars? Rick DeGeneres. Écoutez, le gars, là, que personne connaît, il sera pas capitaine. Dominique Hachek, là, ces gars-là. Je vais le dire, les vétérans, ça me donne un bon segway sur mon prochain sujet. Jagger voudrait jouer jusqu'à 50 ans, même hey, plus. T'as peu, c'est comme segway, c'est comme Dave va dire la dernière fois, c'est pas l'affaire. Quand tu en fait, t'es sur deux roues et tu te promènes avec tes mains. Ça, c'est comme Kovalev qui disait qu'il voulait jouer jusqu'à quoi? 50 ans. Pas mal plus de chances que Jagger joue jusqu'à 50 que Kovalev. Mais sur Twitter, il dit tout le monde est plus vite, moi je suis plus là. Cette semaine, Jagger est devenu le 6e meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale. Moi je pense qu'il l'a encore pendant un an ou deux, mais après ça, ok, accroche tes patins. Jagger, c'est le gars. Il va ralentir. Jagger, c'est le gars qui se traîne le plus fort de la Ligue nationale. Avec Malotra. À un moment donné, avec l'âge, t'as bien beau t'entraîner. Il est rendu, mais ce gars-là défie quand même les lois de la gravité. Il est vose encore. Il n'a pas bougé. Il y a quel âge le présentement 38 Mais non, il y a 43, il y a 45, il est pas loin de 45 ans. Moi je dis qu'il va se rendre jusqu'à 50. Ouais, il a l'air jeune. Je le dis hein? Même, il va se rendre. Il va faire son petit salut militaire que Dave Haïtan, là, puis il va se rendre jusqu'à 50. Il y a 43, 45. Non, mais quand même, props à Jagger pour. Ben oui, genre, pour jouer encore présentement. Le talent que ce gars-là. J'ai jamais aimé vraiment Jagger, mais tu sais, je veux dire, je peux pas y enlever. Il y a un talent. T'aimes juste pas son petit salut militaire. Ah, il tape sur une heure. Mais je pense pas qu'il va se rendre à 50. Mais limite-toi pas à ça. Ouvre-toi. Ouvre tes horizons, Dave. Jagger. Ouvre tes jambes, Dave. Non, ouais, moi, je suis comme toi, je suis fermé. Ouais, mais Dave, ouvre tes cuisses. En passant, Jagger a 42 ans. Jeff, il a il se rendra pas à 50, c'est sûr que non. Ah, il va se rendre. Il se rendra pas, non, mais. Non, non. On prend-tu un bet? 8 saisons. C'est sûr que non. 8 saisons, on ça va se rendre. Ça pas 8 ans, dude. C'est sûr qu'il sera pas. Non, non, deux, ah, il va jusqu'en 2022. 2022. Jusqu'à mon gars. C'est sûr que ça pas. Sérieusement, il n'y a pas de sujet de conversation. Au début de saison de la soirée du podcast 2022, on regarde s'il est en train de jouer. Bet long terme. Je gage 5 000$. Avec l'intérêt. Hey, gars. Ah, avec l'inflation. Si je mets 10 000$. Hey, je gage mon condo là-dessus. What the fuck? Déjà. En tout cas, on va finir les points qui restent. Il n'y en a pas tant que ça. Premier cas d'embellishment dans la Ligue nationale cette année. Brad Marchand. What a surprise. Marc, as-tu une réaction à ça? J'ai même pas vu son col embellishment. Bon, on va pas ça. C'était un classique marchand. C'était classique Broom, selon moi. Ouais. OK, prochain sujet. Dave, j'ai une photo dans le dossier que j'ai donné que j'aimerais que tu montres. La foule en Floride pour le match Panthers contre les Sénateurs. Moi, je l'ai regardé live, ça. C'était triste. Mais après, t'avais rien à faire, mon gars. Non, ben, j'ai juste switché de poche vite. Puis c'était triste. Là. En plus, c'est le match d'ouverture. Le match d'ouverture en Floride, je pense qu'il y avait comme. Ils ont annoncé 5000 personnes. Mais, jamais. Ben, ils ont vendu 5000 billets, mais pas 5000 personnes. 5000 avec les billets de saison. Ça veut dire qu'on ne voit pas en haut. Il y a une section cachée en haut qu'on ne voit pas personne. Tu vois, dans le toit. Parce que sérieusement, je vais voir mon neveu là, jouer au hockey. Là, puis Dave, ben où la photo? Dave, ben où la photo? L'écran me l'affiche pas, man. Mais glisse-la, c'est-tu? En tout cas, glisse. Touche à l'écran. Touche-toi un peu. Whatever. Crie pas. En tout cas, il n'y a rien à voir, c'est vide. On crête l'écran. Crache dessus, glisse-la bien. On peut vous résumer ce qu'il y avait sa photo. Personne d'un gradin. Essayez de trouver Charlie. Ça, là, c'est Callis, c'est le Callis de Batman qui s'entête à avoir des astuces de clubs aux États-Unis qui marchent pas. Il y a les propriétaires. Ça me fait chier, c'est incroyable. Les propriétaires. Ah, mais c'est Snowbirds. Mais c'est pas encore, là. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Imaginez-vous. Hey, deux clubs en Floride, tabarnak, man. Ils sont prêts de grand plein un astuce d'amphithéâtre. Je comprends. Moi, ça me fait. Mais imagine-toi président de. Non, je m'en calisse, man. Ça paraît pas bien pour ta ligue. C'est dégueulasse. Non, mais ça paraît pas bien pour ta ligue. C'est pas bon pour toi. David full screen, voilà. Ah ouais, c'est tellement la non full. C'est tellement mieux pour ta ligue d'avoir un esti d'amphithéâtre avec 4 personnes dans les stands, man. Moi, ça me fait capoter. Il y a clairement pas 7000 billets de vendus là. Imagine-toi en plus le pauvre Bobby Lou, man, esti qui goal là-bas. Moi, je suis sûr qu'il annonce que c'est il y a pas de pression. C'est pour ça que Gilbert, c'est Bobby Lou. Moi, je suis sûr qu'il annonce que c'est sold out avant chaque game. Non, c'est 7000, l'ont dit. Puis c'est le lowest attendance. Il n'y avait pas 7000. Ben, ils ont vendu 7000. Ouais. Ils ont vendu 7000. Avec les biens de saison, de dire. Ils ont la section closée, ça. Là. Ils ont mis un flag. Il y a des drapeaux dans la foule. Le premier chandail. Là, ils il y a genre même pas 2000 personnes là. Tu sais, comme les drapeaux qui se promènent aux États là, avant les games, dans la foule, ils les mettent en permanence. Là. Ils font ça, ils sont taqués là. Ils sont les filles qui nettoient la glace là-dessus. Eux autres font leur argent. Ouais, ils sont les scrapers. Parce qu'il n'y avait pas de gros tatons à la table. Ah, c'est ça. Pas sur la table, ça la glace. Sur la table, il n'y en a jamais eu. Où tu vas, toi? Ouais. Bon, il me reste 4 points à terminer le podcast, messieurs. On essaie de chercher des plugs chez Paris. Voulez-vous les aides? Ou... Le Joe Louis Arena à Détroit sera détruit. Mais contacte Détroit puis donne-lui de la bullshit. Ouais. Fait qu'ils vont détruire le classique amphithéâtre. Ouais, c'est plate, c'est comme détruire le forum. Ils vont avoir un amphithéâtre de nouveau en 2017, par contre. Je pense que c'était la patinoire que l'action était le plus proche de la glace. Le monde était le plus. C'est plate. Quand tu vas partir les vieilles patinoires, c'est plate. Pour de vrai, c'est comme perdre le forum. Le TD Garden, ils l'ont changé carrément. Ouais, mais ça. Je pense que celui qui va rester toujours, c'est le Madison. Eux autres, je suis content qu'ils l'aient rénové. Ils remplacent ben, c'est un classique. Mais ben, c'est ça. L'Original 6, c'est pas je perds nos patinoires, mais à un moment donné, t'as pas joué. Ah, c'est le forum, ils l'ont pas démoli, mais c'est rendu un cinéma quand même. Ils l'ont pas démoli, mais je veux dire, au moins le Sandbell, s'il y a eu quasiment des morts, au moins sa patinoire. Le Joe Louis va falloir au que moins. Ça brasse. Au moins, il y a eu des morts, presque des morts. C'est bien weird, ça. Non, mais c'est vrai, là. Faut que tu perpétues, man, la tradition. Ils sont bourrés sur la glace. Ben oui, Calis, check bien ça, OK. Le forum, si je le suis plus par le forum, ils ont fait les funérailles de Howie Morenz là-bas, OK? Ah, ça, tu veux dire, OK, c'est pas pareil. Moi, je pensais des morts. Après ça, tu sais, au Sandbell, après ça, Sainte-Monson en premier, t'as eu Sakou Koivu, son retour. Maurice Richard. Déjà là, on a fait des cicatrices, OK, c'est ça. Maurice Richard l'a ouvert. Sakou Koivu, son cancer. Trent McClary, une puck dans la gorge. Il a failli mourir là. Après ça, t'as eu Zednik. Lars Seller qui s'est fait un coup de la corde à linge. Zednik. Il y a eu du sang. Patcheretti. Patcheretti dans la face. Il y a eu du sang. Il y en a. Ça veut rien dire. Comme... Il y en a souvent de ça, là. Non, je m'attache pas à une patinoire à cause de ça. Un 4 là, minutes, c'est un 4 minutes. Aussi, hein. Non, mais attends. C'est là. Même que tu transfères tes ghosts, man. Avec le sang. Non, mais en même temps, le Sandbell, c'est un peu nécessaire. Parce que, tu sais, je veux dire. Ça n'avait aucune émotion. Tu peux pas garder le forum parce que ça pogne trop le hockey à Montréal. Puis on a quand même un des plus gros amphithéâtres. C'était pas les anciens bancs, un en face de l'autre, pas à côté de l'autre. Le forum, t'avais pas assez de place. T'avais pas assez de place dans le forum pour remplir ça. Les Rangers man, les rouleaux de papier de toilette, man. Il y a eu des Rainbows, ici, là. Qu'est-ce qu'il c'est raconte? C'est quoi, mais. Hey, c'est... Qu'est-ce qu'il boit, lui, le style? C'est pas ça qui fait que la patinoire est spéciale, man. Ok, on va aller au prochain sujet parce que. Les beaux, là. Plus trop ça, le quoi, Mike raconte. Les beaux, là. L'Himalaya, les gars. L'Ebola, le Népal, c'est au Centre Bell. Let's go. Tu te rappelleras plus tard, Ebola. C'est la faute des nègres. Oh mon Dieu. Qui vient de dire ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il y a un fantôme du forum ici. Qui a parlé de noir, là? On va aller voir le sujet. Au Colorado, Varlamov s'est blessé. Ben en fait, leurs deux goalers sont blessés. Pis, Les pouleurs qui ont pris Varlamov, faites votre chance. Il y avait une rumeur cette semaine que Roy pourrait contacter Brodeur. Et puis Roy a été catégorique. Je n'appellerai pas Martin Brodeur et j'ai encore mes pads avec moi. C'est bien fait. Calvaire. C'est parfait. C'est un assez bon corps. C'est là. Pas lui qui l'a appelé Fatso en plus. Oui, c'est vrai. L'année passée, on parlait de ça. Bien sûr. Je pense vraiment pas que les deux pourraient travailler ensemble. Les deux, comment tu veux que Patrick Roy coach Martin Brodeur? C'est incroyable. Pareil. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Ça serait deux assises de dans base. Ah non, il s'entendrait pas bien, man. Imagine qu'il pull, là, tu sais, genre, Martin Brodeur n'a pas de bonne game, si Roy décide de l'enlever, Martin. Ouais, mais si tu vois-tu, mettons, Brodeur fait plein de blanchage, puis comme, fuck you, Roy, c'est moi qui est meilleur. Ça, il finit. Il perd toutes les vidéos, genre. Des petits coups de bâton dans les VHS, let's go. Brodeur, il fera plus plein de blanchage. Roy va y péter une porte sur la tête. Non, mais sérieusement, Roy, il prendra jamais rien. Mais ouais, il prendra jamais Brodeur parce que, Brodeur n'a jamais battu sa femme. Non, puis la blessure de Varlamov, ça a l'air que c'est pas sérieux. Là. Il a couché avec sa belle-sœur, quelque chose de genre. Là. Je pense même pas que Brodeur a fourré la sœur de sa femme. C'est non, ça. Non. Mais non, c'est Matthew Schneider. C'est il a fourré la femme de Roy. Ouais, puis Brodeur. Lui, il parle de Brodeur. Qui a fourré qui, là? Hey, c'est fucking Desperate House Brodeur. Desperate House Goalies. C'est Desperate House Goalies. Ouais. Pas au courant de ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est des potins de Saint-Adolphe d'Howard. Brodeur avait une femme, il a eu deux filles, puis il a couché avec la sœur de sa femme. Puis là, il a marié sa sœur, fait que c'est fucké ici. Fait que dans le fond, la tante de ses enfants, c'est sa femme. C'est rendu leur belle-mère. Mais c'est quoi, la sœur jumelle, asti? Non, il s'est pas trompé, c'était voulu. En tout cas, elle avait des gros tatons. Patrick Roy, c'était bien meilleur goaler que Brodeur. En tout cas, parle à Brodeur. Entre autres, la blessure de Varlamov, c'est pas sérieux. Blessé à la main, là, c'est encore frappé sa femme. C'est décevant. C'est en plus, on avait dit au premier podcast que Varlamov avait plus la pression des médias de blesser tout le monde et de frapper sa femme. Avez-vous vu la photo controversée de Varlamov qui a un t-shirt de Poutine? Non. Ouais, il y a un t-shirt de Vladimir Poutine, puis c'est comme, je pense qu'en russe, qu'est-ce qui est écrit sur le chandail? À côté de la face de Poutine, c'est genre, tu sais, une affaire avec la Crimée pis tout ça. Ah, là, les Russes sont difficiles à pénétrer, eux. Genre, autres. Poutine bosse la Crimée, là, en affaire de même. Là, tu lis les Russes, toi, Star? Ouais. En tout cas, demain, c'est le troisième goaler de Colorado qui va gauler probablement, on va gagner. Deux, ouais. Demain, c'est le troisième goaler du Colorado qui va gauler contre nous autres. Ouais, le gars qu'on sait pas son nom, là, parce que là, Ibera est blessé aussi. On va l'appeler Joe Louis. Ouais, c'est en 1986, le troisième goaler du Canadien, c'était Patrick. Selon Pierre McGuire, il est très bon, là, mais je suis pas convaincu. Ça a été le meilleur goaler de l'histoire. Bon, puis l'année passée avec les Ducks et tout, même chose, troisième goaler. Qui ça, Guy Hébert? Hein? J'ai dit, en 1986, le troisième goaler du Canadien, c'était Patrick Roy. Tout le monde disait ça, c'est le troisième goaler. Je trouve qu'on divague un peu, là. Guy Hébert? N'importe quoi, man. Ok, il reste deux points avant de finir le podcast. La boisson commence à rentrer, là. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, les cabotins. Grosse frousse chez les Pingouins de Pittsburgh. Pascal Dupuis a quitté sur une civière cette semaine. Il a été plaqué. Ouais, il a été plaqué devant le filet par Goligoski, puis il a reçu un tir dans le cou ou dans le haut du dos par Chris Letang. Le genre de Trent McClary. C'était comme weird. Ouais, il s'est levé, comme Dave dit tantôt. Il a enlevé ses gants, il shakait un peu. Il est parti une civière, mais il a levé le pouce dans les airs avant de partir. Il shakait ses bras parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de sensation dans le bas d'eau. Mais non, mais tu reçois un tir dans le cou par le temps. Tu dois plus sentir rien. Imagine une poc frette là, qui tombe dans la nuque, mon gars. Faut la gâcher. Aussi une balle orange dans les gosses. Là. Moi, je pense que ça y a fait mal un peu, mais il est correct finalement. Je l'avais noté, mais il est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui, feu vert des médecins. Bon, ben, tout est beau. On est bien content pour Pascal Dupuis. C'est un bon gars. T'as invité à la soirée du podcast, Pascal. Il était bon sur HBO 24/7. Je sais pas si c'est un bon gars de famille. Il serait bon dans un team différent. Puis, bon, dernier point, on fait plaisir à Martin et à les gens dans la chatroom qui veulent qu'on ait une chronique John Scott. John Scott qui ramasse Mikhail Grabowski de façon solide. Ah oui! On le fait jouer pour le monde qui nous écoute live en vidéo direct sur la télévision présentement. Puis il a compté un but. Il a compté un but cette semaine, John Scott. Non. Dans la même séquence. Il a frappé le mur. Un autre après, là. On va voir les replays justement de ce plaquage. En même temps, là. C'est plus qu'une double pénétration. En même temps, il a frappé Grabowski. Mais c'est comme. T'as fait légal en plus. Parfait, ok, ma question, là, tour de table rapide. Est-ce que c'était légal comme plaquage? Ouais, ben oui. Je veux savoir oui ou non. Oui, oui. Ben oui, ben oui. Ben okay. 6 et 8, hostie. Non, mais regardez ça. Tout en l'air illégal. Est-ce que c'était légal? Oui. Ouais, ouais. Deuxième tour de table, est-ce que c'était salaud? Non. Non, c'est de la management de la part de Grabowski. Il y avait le Puck, man. C'est la faute à Grabowski, ce hit-là. Pour moi, John Scott, après ça, tu vois qu'il n'y a pas un gars de l'autre. C'est quoi, Anders? Ouais, il n'y a pas un gars des Islanders qui voulait pogner John Scott. C'était puis après ça, John Scott est resté dans la bande. Ouais, ils sont tous allés, puis tout le monde. Il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas pogné à la tête. Il n'y a pas pogné à la tête. Non. C'est juste, il a arrêté comme dans un. La seule affaire pourquoi. Il a même pas levé le coude. La seule affaire pas... pourquoi Grabowski était à terre en train de shaker comme un bacon, c'est parce que John Scott, il l'a pincé. Grabowski, il a jamais vu ça. Ah. Il a revolé, puis il a tombé la tête sur la glace. Mais c'est le contact de la glace avec sa tête qui a fait qu'il était knockout. Mais il l'a juste pas vu venir, puis c'est complètement legit comme hit. Tu sais, dans le temps de la feud d'Agustin, le Sergi, là, tu sais, on a tout le contact sur la feud. Sérieusement, pour moi, je regarde ça, puis je me dis, c'est de la poudre. Ce gars-là, c'est pas présenté, il n'a pas pris l'avion, man, parce qu'il n'a pas assez de temps de glace. C'est de la poésie. Il fait le bacon. C'est de la poésie. Il était tendu de tout. Vous rappelez-vous comment il est parti du Canadien, ce gars-là? C'est une crise de tabarnak. Il est parti du Canadien comme un petit mangeur. Lève ta tête, Steve, man. Tu sais que John Cott est sur la glace. Du jaune sur la glace. Du jaune. Moi, je pense qu'il y a du brun. Un petit peu de pipi. Je pense qu'il y a plus chier dans ses culottes. Un petit melté. Il y a de la fuite. D'ailleurs, il y a Nick Chalifou qui nous dit que Mart, ce serait pas pire si t'avais un collier des dents des victimes de Scott. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Nick, d'ailleurs, qui était vrai. Je vais essayer de faire ça. Je vais contacter John. D'ailleurs, Nick Chalifou qui est sur notre liste d'invités pour la soirée du podcast. Quand quelqu'un va être absent, on va le remplacer par Nick. Je pense qu'il a le droit, là, parce que. Ben, oh, Chris, gars, hey man, t'es bienvenu. Ouais, t'es un fan de John si Scott, Martin t'amène. Ben, faut que t'amènes de la bière. Ouais. Bon, ben, les gars, avez-vous d'autres sujets canadiens ou NHL all around? Ah oui, je voulais parler, moi, de Timo Selanne qui a bâché Bruce Boudreau. On n'a pas parlé, par exemple, dans le dernier podcast. Oui, on a juste dit qu'il avait pris sa retraite à cause de lui, mais on n'a pas vraiment. C'est weird de Selanne de commencer à laver son linge. J'avais raison, en tabarnak, man. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Bruce Boudreau, le belge pendant une série, mais tu fais pas ça à Timo Selanne. T'as lu son livre, Alex? Oui, j'ai lu son livre. Timo Selanne, il y a eu un esti de carrière comme exemplaire. Tu ne benches pas ce gars-là, man. Man, il est allé avec son troisième goaler pendant la série, puis il a benché Timo Selanne, puis après ça, il savait pourquoi il se fait éliminer. Ça n'a pas rapport avec la carrière de Timo Selanne de faire un livre, puis de commencer à laver. Il n'a pas fait de livre, il a juste dit, Chris, qu'il a fait un livre, hostie. Ouais, c'était dans son livre, que ça a fait. Dans sa biographie, man. Il a fait un livre récemment. Ah ouais. Oh, Galex le livre. Je l'ai pas lu, le gars, c'est qui l'a écrit. Il a fait un livre, le tapin. C'est qui le mec qui l'a écrit. Le gars, il a fait un livre, le tapin d'Axilo. Il a fait la reliure, toute l'équipe, il a malé ça par la poste. Non, mais il a crafté un livre. Je propose, je propose qu'Alex fasse des audiobooks, des livres de Bruce Boudreau puis de Timo Selanne. Il va nous lire ça, puis on va présenter ça. Pour être fuck. Les gars, depuis le début de la saison, là, quel coach pourrait perdre sa job? Bruce Boudreau. Non. Pas pour l'instant, aucun. La coach des Oilers. Alors, Eakins. Ouais, Eakins, ouais. Après ça, qui pourrait perdre sa job? Je ne pas dire. Ben, je sais pas. Randy Carlyle de Toronto. Galant perdrait sa job tout de suite. Non, pas Toronto, pas à date. Là. Parce qu'il y a des rumeurs, je sais pas si vous le saviez, là, Mike Babcock devient entraîneur autonome à la fin de la saison. Ouais, j'ai puis vu à ça. Toronto, là, il rêve à lui. Puis Babcock, il a comme challengé Babcock, il a vraiment... Babcock. Non, il était en désaccord avec Ken Olin parce que Maxime Ouellet est retourné à Hamilton. Il voulait le garder, ouais. Ouais, c'est ça, fait que... Ah, il était en tabarnak. Il disait que les DG, c'est n'importe quoi ce qu'ils faisaient. Là. C'est ça. Puis là, il y a une guerre entre le coach et le DG. Là. Ça sent du Babcock mais... à Toronto. Non. Ben, ça se peut. Good for him. Il va se win job. Red Wings. Le meilleur coach pour être de la ligue. Je pense que Babcock finit pas la saison avec les Red Wings. Ben non. Oui, il va finir la saison. Il va partir, peut-être signer avec un club comme ça. Non. C'est encore Babcock. Détroit de fond. Mais il va se win job. Ben, c'est Don Meehan, son agent. C'est sûr, il va se win job. C'est le coach le plus prisé. Ben, c'est pas grave. S'ils font pas une série où ils sont éliminés vite des séries, ils feront pas les playoffs. Détroit? Pense pas. Détroit. Ça se passe pour ça. Je pense pas qu'il fasse les playoffs. Mais gars, c'est ça. Fait que c'est facile de dire, ça bon, je m'en débarrasse parce que déjà qu'il est pas d'accord avec le directeur général. Ou, gars, ben, si, s'en débarrasse. C'est pas fort, c'est pas fort, c'est pas ça. Tu verras-tu t'es rien dire à Bergevin, tu fais pas ta job, toi, mon. Ben. Moi, je pense qu'il se prépare à s'en aller, puis il va peut-être pas revenir. Tu sais. Et puis, s'il va pour Toronto, ben, good luck. Ah, Casti, Babcock à Toronto, tabarnak. Bon, Martin vomit. Ben, là. Il vomit dans ma bouche, là. Ben, quoi? Un petit reflux. Ben, c'est dégueulasse. Il y a pas de petit coach qui veut aller là-bas. Je propose pour la bonne argent, ouais. C'est un bon défi, man. Ah, je propose qu'on... Attends, coach. Ah, tabarnak. Qu'on chasse... Avec Dion Faneuf, esti, dans ton line-up. Dion. Capitaine. C'est Dion, son nom, OK? Vraiment, calice. Moi, je voudrais juste jouer dans mon équipe parce que je voudrais avoir Alyssa Cuba. Chasson. Chasson. Chasson. Amène ta femme, amène ta Chasson ce goût de vomi par une petite confrontation au Hartley-Brisebois. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ironiquement, dans cet extrait-là, Patrice Brisebois a fait une meilleure syntaxe de phrase que tout ce qu'il a dit à date à TVA Sport. Ouais, mais Bob Hartley, là, il a fait une belle présence à Fort Boyard. Hein. Il a pas peur de ça, mais à Fort Boyard, il a gagné bien de l'argent. Fait que toi, t'écoutes ça. Je vais écouter ça au Canal Naissant fin de semaine, ben ça, oui. C'est sûr. Bob Hartley, il y a du sacré en maudit avec les bébites. T'as peu tout à parler de coach qui va lever les feux, là. Bob Hartley. Non, il a un bon début de saison. Je suis pas certain, Bob Hartley. Calgary a un bon début de saison quand même pour l'équipe Fuck qui est ce style-là. Sérieusement, autant que je suis pro-fight dans la Ligue nationale. Oh, ben là, t'es pas pro-fight pour ce lui. Ce gars-là a donné des cours de boxe à tous ses joueurs. Ah, mais ça, c'est épais en esti, là. Ça, c'est vraiment épais. Maybe it was a team bonding experience. Ils sont fait un genre de lac à l'épaule. Ils sont fait un lac à l'épaule. Il y en a qui organisent une soirée de bowling, mais lui il a décidé on va faire un cours de boxe en on groupe. Fait comme Chris, c'est l'affaire d'équipe, tous les gars on peut se défendre dans nous autres. C'est son genre de petit beau joue en équipe. Non, parce que à Calgary, vu qu'ils n'ont pas une bonne équipe, c'est comme tous les gars faut qu'ils se tiennent ensemble. Fait que tout le monde faut qu'ils se battent. C'est comme il dit comme tout le monde peut défendre n'importe qui. Pas besoin d'avoir un goon. Ah bon. Oh, Alex, il y a encore la solution à tout, là. Hey, pas la solution. Hey, il a lu le livre de Bruce Boudreau, respect. T'as lu son livre? Ouais. Ah, je l'ai eu en cadeau. T'as bien des temps libres. T'as donné ça en cadeau. T'as bien des temps libres. Sacrement. J'ai lu. T'as pas 15 minutes par jour le matin. Entre deux livres, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bruce Boudreau, t'as fait un caca. Le guerrier de Patrick. Reader's Digest. C'est bon livre pour la toilette. J'avoue, ça doit bien aller. Là. Fait que ça fait le tour de l'épisode, ça passe bien. L'épisode 2 bien. De la soirée du podcast. Avant de terminer, les gars, pendant que je fais ma conclusion, j'ai ici un beau crayon bleu. Vous avez peut-être vu qu'il y a des signatures sur la table. J'ai jamais pensé vous le faire, mais signez tous sur la table de podcast avec votre numéro et votre nom. Là, question de immortaliser le tout et qu'on se fasse de l'argent, mais qu'on soit rendu big, on va vendre cette table-là. Les seuls qui ont signé, c'est moi, JF et 3 bières. Là. Bizarrement. Là. Avant même que le podcast, la soirée du podcast existe. Ben ouais. Il y avait un autre podcast qui s'appelait La Jazette. Alors, Alex... Il y avait un autre... tu parlais comme si c'était dans le passé puis c'était mort. C'était quoi la chieuse? Ce n'est pas mort. C'est mort. En suspens. Non, c'est un podcast ton numéro, mythique. Ça? C'est un podcast qui se fait... T'as signé ton numéro. Quand les astres s'alignent... Mais c'est quand les astres s'alignent, on fait La Jazette, là. Ça peut arriver de temps en temps. Oh, tabarnak! Bon, Mort a renversé ça. Ah, encore. Et il y a vraiment... Ça y est, liquide. Ça y est, c'est du liquide. J'ai plus de ça son. Ça jute. On va chercher les contextes. J'ai plus de son. Mort, il est reparti dans ses abats. Et on a eu un break d'un épisode. Ah ouais, ça a pas duré longtemps. Fait que sur Mort, la console. Comment tu te sens face à ça, toi? Bon. Ben moi, je suis plutôt à l'aise parce que j'ai l'habitude. Ça rentre direct dans les fils pis tout. Là, mais c'est correct, ça. C'est juste une petite soudure. Au pire, ce qui est cool, c'est que c'est l'espèce d'un écouteur neuf que j'ai acheté. Ouais, mais écris ça. J'aime ça comment t'as signé ça. Vraiment, tu sais, tout petit, moi, je suis allé. T'as mis ton numéro, Alex? Ouais, moi avec. Bon. JF est juste plus discret, c'est tout. J'ai eu peur pendant un moment, j'ai eu plus de son. J'en ai encore. Je pensais que t'avais sauté la. Ça aurait été incroyable. Le ben non, ça brise pas de même, ça. C'est du Behringer. Oh, ben, ce qui vous a fait, moi. Fait que bien, pas pénétrer les fils. Donc, pour conclure, vous pouvez rejoindre la soirée du podcast sur les médias sociaux. On est sur Facebook. Laptop, esti, là. On est sur Facebook, la soirée du podcast. Sur Twitter, @soirée du podcast. Également, Google Plus pour les 4 personnes qui sont là-dessus. Et vous pouvez trouver La Soirée du Podcast en vidéo sur YouTube, notre channel La Soirée du Podcast. On est également disponible en audio sur notre site lasoireedupodcast.ca, iTunes, Stitcher et rzoweb.com. Puis si vous voulez venir nous voir en direct quand on enregistre, c'est le vendredi soir, une fois par deux semaines, à 20h. On est sur lasoireedupodcast.ca, / en direct. En direct. Donc, ça fait le... Je veux filmer le dégât. C'est qui se passe. Dave est en train de faire du close-up de dégâts puis des essuie-tout, là. Et sur ce magnifique close-up, ça fait le tour de l'épisode 2 de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde! Woohoo!